Bonjour et bienvenue à un entretien avec Berthold que vous voyez présentement à l'écran et vous m'entendez, donc c'est David au micro. Et en ce mois de décembre de l'année 2020, le sujet qui va être abordé, c'est celui de la grande dictature sanitaire. La raison est évidente, vous l'avez sans doute remarqué, depuis plusieurs mois, nous nous trouvons présentement en dictature. Avant d'aborder à proprement dit ce sujet avec Berthold, je veux mentionner aux gens qui nous écoutent présentement que je rends disponible au public une audiothèque, donc une bibliothèque audio. Et là, je l'ai mis à jour aujourd'hui, qui comporte 505 enregistrements MP3 que j'ai produits au fil des ans. Donc, s'il y en a présentement qui sont en situation de confinement et qui s'ennuient, eh bien, vous en avez pour des heures et des heures de plaisir. Si ça vous intéresse, naturellement, écoutez des entrevues que je fais avec des invités, des enregistrements aussi que je fais en solo. Donc, il y a beaucoup de matériel que je rends disponible gratuitement au public. Et c'est sûr que s'il y en a parmi vous qui appréciez cela particulièrement, eh bien, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement sécurisés que sont Interac et également PayPal. Vous allez retrouver les informations à ce sujet en bas de l'enregistrement. Donc, s'il y en a parmi vous qui ont envie de me soutenir, et c'est sûr que ce que je veux mentionner aux gens aussi, c'est qu'il ne faut jamais rien prendre pour acquis dans la vie, dans le sens que Marc de la Salle, qui est un auteur et conférencier, que j'ai reçu à plusieurs reprises dans le cadre d'émissions sur ma chaîne YouTube, eh bien, il est décédé pendant cette année 2020 à l'âge de 56 ans, alors qu'il était encore jeune. Donc, il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Donc, si vous appréciez mes enregistrements, c'est le temps ou jamais de me témoigner de votre appréciation, advenant que vous avez envie de me faire une contribution financière. Sinon, pour ce qui est, parce que je suis rendu au-dessus de 500 enregistrements, vous allez avoir le lien en bas de l'enregistrement présent qui va vous relayer au site d'archivage qui s'appelle archive.org où ces enregistrements MP3 sont entreposés. Donc ça, c'était pour ma petite mise en contexte. Donc sinon, ben, je débute là à présent avec Berthold. Donc tout d'abord, ça va bien? Oui. Excellent. Puis je voulais te mentionner, Berthold, c'est sûr que si un jour tu as envie de faire des vidéos en solo, d'écrire des textes ou même des livres, et que tu as envie que je les partage sur mes plateformes, que ce soit YouTube ou mon blog également sur WordPress, ben, tu es bienvenu pour me tenir au courant. Bon, parfait. Mais je suppose que... Je voulais faire cette invitation-là en public, étant donné qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui... je pense à une personne, entre autres, m'a écrit récemment qu'elle aimerait réentendre de nouveau Berthold parler en solo. Puis ce que je voulais dire aux gens, c'est que si Berthold a envie de le faire, moi, à travers ma chaîne YouTube, je veux lui donner l'opportunité. C'est sûr que quand même, je me donne quand même un doigt de regard parce que des paramètres éthiques à respecter, surtout avec YouTube. Puis on est dans une ère où il y a une censure de plus en plus grande sur les réseaux sociaux. Mais tout de même, j'apprécie Berthold. Puis si à un moment donné, il a envie de faire de quoi en solo ou publier des textes, bien, il est bienvenu pour le faire là, sur les plateformes là, que je dispose présentement. Bon, ben merci. Ça fait plaisir. Donc, pour aborder le thème d'aujourd'hui, la grande dictature sanitaire, que j'ai choisi compte tenu des circonstances. Ben, ça fait quand même depuis le mois de mars là, de l'année 2020 ici au Québec. C'est à peu près le même scénario, que ce soit les pays en France, en Suisse, en Belgique, depuis le début de la crise du coronavirus. Nos gouvernements dictent les conduites à avoir. Ils gouvernent par décret. Donc, on n'est plus dans un processus démocratique. Donc, c'est un processus de décision unilatérale qui est prolongé au fil des mois. Donc, on s'inscrit dans une dictature. Et au nom de la menace du coronavirus, où les droits sont suspendus, le droit de rassemblement, entre autres, entre des gens. Donc, il y a différents droits comme ça. Puis, c'est dans un contexte sanitaire. C'est au nom d'une menace sanitaire. Et qu'est-ce que la grande dictature sanitaire, selon toi? Ouais, je vois juste, ben, c'est un terme, c'est une façon de définir une situation. Mais c'est une forme, c'est un terme. Mais c'est quoi qu'il y a derrière la forme? C'est juste, c'est la. Moi, je vois pas de différence avec avant tant que ça. C'est juste que ça s'est amplifié. C'était pareil, là, je veux dire, ça n'a jamais été une démocratie. Moi, j'en vois pas, là, je n'ai jamais vu. Je considère que je suis venu au monde dans une dictature. C'est juste les techniques puis les termes qui changent. Puis ça s'amplifie. Oui, ben c'est sûr que avant la crise du coronavirus, on n'était pas libre de manière absolue, sauf qu'il y avait plus d'apparence de liberté. Puis là, dans le concret, sur le plan matériel, quand on voit par exemple les gouvernements ici au Québec qui empêchent les gens de se réunir à Noël, on n'aurait jamais vu ça avant. Ben là, c'est parce que ben, c'était déjà commencé. Il y a là, depuis un bout de temps qu'il y a eu toujours le projet de décatholiciser les Québécois, mais pas trop rapidement. Mais là, c'est comme il y a une accélération, c'est parce qu'il y a une conversion dans le temps. Parce que je crois que les Français vont pouvoir se réunir à Noël. Je ne suis pas sûr parce que je sais que là, il y a tellement d'informations, je ne suis pas capable d'être à jour là, par rapport à tout ce qui se passe, là, mais je sais qu'ils sont présentement restreints, les gens en France, même chose pour les gens en Belgique. Tu sais, je discutais avec un Je suis pas Belge. certain, mais Oui. l'affaire, c'est que la France, c'est déjà très. Ils sont déjà dans une religion républicaine qui parle de laïcité puis de laïcisme depuis un bout de temps. Tandis que les Québécois, il y a encore un fond très axé sur la famille. Puis là, quand on veut changer économiquement un contexte, qu'on veut détruire des classes, ou qu'on il faut aussi. Il faut défaire le ciment. Ils attaquent le ciment. Puis. Pour les Québécois qui ont passé très, même s'il y a eu la Révolution tranquille, il y a encore un fond qui fait que l'identité nationale, entre autres, est liée au catholicisme encore, puis à des traditions comme Noël. Les Québécois, même si c'est pour se chicaner ou pour se détester, se réunissent en famille à Noël. Même les familles que ça va mal, souvent il y a des parties de Noël. Puis même les familles dysfonctionnelles, les Québécois, c'est des gens qui réveillonnent. C'est très, très ancré. Puis moi, j'ai jamais cru là, qu'il y aurait Noël. Oui, ben, tu l'avais dit d'ailleurs dans notre dernier enregistrement, puis ça s'est confirmé là, dans les derniers jours. Le gouvernement a annoncé ici au Québec là, que les gens ne seraient pas autorisés à se réunir pour la période des fêtes. Mais en lien avec ce que tu dis, ça me faisait penser aux propos d'Alexis Cossette. J'écoutais une de ses vidéos récemment qui parlait de destruction culturelle qu'on fait présentement, que ce soit la fête de Noël au Québec ou la Thanksgiving. La fête de l'Action de grâce qui est plus fêtée aux États-Unis, où les responsables des pays empêchent que les gens fêtent justement ces occasions de rencontre. C'est comme si on voulait effacer le passé, des gens au niveau mémoriel, culturel, pour les réinitialiser sur le plan psychique. Ben, dès là que, comme par exemple en Europe, il a commencé à avoir un discours par rapport au fait qu'il ne doit pas y avoir de frontières, des choses comme ça fait partie, je veux dire, c'était déjà commencé. Mais c'est le si, mais c'est, s'il y a un projet global, ben, il pourrait être certain qu'il y ait une bonne coordination au niveau des gens qui ont une vision de darwinisme social, là, du darwinisme social, de l'ingénierie sociale. Ben, c'est au ciment qu'on s'attaque. Parce que c'est ce qui va faire qu'il va avoir, ils vont pouvoir se coordonner plus rapidement. Mais il faut que les gens soient dans un état psychologique où il y a une désunion là, par rapport à certains symboles. Mais même là, c'est lié, on dirait, à l'inconscient collectif des peuples comme travail. Mais moi, je pense que ça va aboutir au contraire. Ils vont unir les gens. Ça pourrait être un effet paradoxal des démarches qui sont mises en place, mais ce qui est intéressant, puis il y a beaucoup présentement de lanceurs d'alerte qui parlent du Great Reset, qui est l'agenda mondialiste qui est mis de l'avant par le Forum économique mondial, avec entre autres Klaus Schwab, qui est le fondateur, puis il y a des objectifs globaux. Puis là, présentement, ce qui semble se dessiner à nos portes, au nom de la crise du coronavirus, c'est vraiment la mise en place d'un grand reset à niveau international, reset bien entendu économique,

qui a sorti des rangs en allant parler sur la place publique. Là, il a fait beaucoup Ouais. d'entrevues sur Internet pour dénoncer qu'est-ce Ben, qui se passe. c'était tellement maladroit, puis ça a été fait d'une façon qui était tellement facile après à contre-attaquer, que ben franchement, je me demande, c'est pas une sorte, tu sais, sans être, sans accuser de quoi que ce soit ou tout, mais moi, je suis pas convaincu. Parce que ça pourrait être une opération d'affaires d'agents doubles, ça, là. Exactement. C'est sûr qu'il y en a qui ont soulevé T'sais, le une fausse spectre de dissidence encore. l'opposition contrôlée, exact. Ouais. Comme là, monsieur Stéphane Blais, là, la priorité, là, c'est le côté légal qui ne se tient pas par rapport aux mesures sanitaires, pas d'aller accuser le docteur Julien, toutes sortes d'affaires. Il faudrait commencer par la pratique technique prioritaire de maintenant, puis pas commencer à se discréditer en voulant combattre d'autres choses, là. Puis que ça nuit aussi au niveau de la guerre de l'image. Il y a des choses qui sont des maladresses qui se font, que c'est tellement pas fort que je me demande si c'est pas voulu. Ça se peut pas, là. C'est comme faire exprès, là. La priorité, c'est pas d'aller accuser des fondations de. C'est pas supposé être ça, là. Parce que là, c'est Demande. se discréditer parce Ouais. qu'on n'a pas le discernement des priorités au niveau d'une guerre d'image puis de l'information, là, d'aller faire un. Parce que les histoires qu'il y a eu, là, que j'ai vu ça vite fait, là, dans les journaux, c'est pas fort, ça. Bien, c'est sûr qu'en lien avec ça, il y a des gens qui, mon entourage, ont soulevé l'hypothèse qu'il ferait peut-être partie de l'opposition contrôlée, dans le sens qu'il a ramassé beaucoup d'argent du peuple pour aller s'opposer à des lois, puis finalement, les semaines passent, puis il n'y a pas de changement. Les décrets, le port du masque est toujours obligatoire au Québec, il n'y a pas de changement significatif. Ben, j'avais dit quoi sur ça? Qu'on allait, c'est là qu'on allait se rendre compte à quel point c'est corrompu. Parce que dès que eux autres, c'était ah, ben, dès que le masque est obligatoire, on s'arrange qu'il y ait une injonction puis tout. Mais oui, mais la loi sur les urgences sanitaires, elle faisait que le juge, c'est clair qu'il allait peut-être pas la. Il allait pas geler ça, là. Il allait pas geler le décret en attendant de délibérer. C'est pour ça que là, maintenant, ça serait-tu possible d'arrêter de compter n'importe quoi au monde, puis de se servir de l'espoir pour justement. Parce qu'une fausse dissidence, ça sert à quoi? Ça sert à détourner l'énergie. Fait que là. Exactement, puis de ramener l'énergie de gens qui préfèrent vraiment des actions concrètes pour mettre en échec le régime, pour les détourner vers des lois qu'on est sûr qu'on fait juste gagner du temps, puis ils nuisent pas en réalité, tu sais. Ouais. Ben là, c'est parce que quand au niveau de ta tactique, tu nuis à ta stratégie, c'est-à-dire qu'au niveau de ta façon d'agir sur le terrain, tu nuis au résultat de ton plan, de ce que tu veux faire comme résultat, ça veut dire que tu n'as pas de discernement. Je suis désolé, là, mais si la priorité, c'est au niveau légal, puis que ça prend qu'il y a une guerre de l'image aussi, puis que c'est lié aussi à l'opinion publique, puis que c'est au niveau technique légal, puis que c'est important d'être crédible, puis tout. Ben, tu ne vas pas faire des accusations que tu ne peux pas prouver à des fondations, puis surtout sur des sujets qui sont extrêmement tabous, puis qui génèrent énormément d'émotivité. C'est pas le temps, là. C'est pour ça que je me pose des questions, moi, par rapport à ce qu'on pourrait appeler les leaders, là. Oui, On exactement. a affaire à du monde qui n'ont pas l'air plus. Ils n'ont pas l'air d'avoir tant de. C'est pas pour être. Tu sais, c'est juste une question d'avoir du sens critique, de dire, est-ce que c'est intelligent de la façon que c'est mené, cette guerre-là? Cette défense-là, si on peut dire, c'est une guerre de plus de défense que de. Mais à date, moi, je suis bien, je suis pas déçu, ben, j'avais pas d'attente. En vrai dire, ça se passe comme je pensais que ça se passerait. Puis, Moi, tu c'est vois, juste de cet été, constater que. quand il avait sorti sa fondation cet été, moi, j'ai dit, bon, je vais laisser la chance au coureur, tu sais, pour que, dans le fond, il fasse ses actions, il ramasse de l'argent, ça lève vite, etc. Puis là, finalement, les mois passent, puis, tu sais, le port du masque est toujours obligatoire au Québec, les mesures toujours en place. C'est sûr que au début de l'été, il y avait eu un accrochage là, entre lui là, puis Guy Bertrand, l'avocat. Bon, je me suis dit, ça peut arriver qu'il y ait des différends, bon, entre des êtres humains. Ensuite, il y a eu différentes Ouais. choses. C'est sûr Ouais, que, ben moi, d'être ouais. là, moi, c'est une affaire qui faisait que j'embarquais pas. Maître Bertrand. Je veux dire, j'ai rien à dire contre M. Bertrand. Mais on juge un arbre à ses fruits. puis à part foutre la merde, puis... Tu sais, je veux dire, si on regarde la chicane qu'il y avait eu, l'affaire par rapport à la question du référendum, puis tout, c'est ce qu'il y avait eu avant, puis tout, ça se peut-tu que, dans le fond, il y a du monde, ils sont pas là pour ce qu'on pense qu'ils sont là, puis d'être moins naïf, là, à un moment donné, puis d'avoir de la mémoire, de s'il faut, d'aller fouiller en arrière. Parce que là, on a affaire à des personnages, des fois, qui sont âgés, puis qui ont un cursus. Puis pourtant, ça, on dirait, le monde, je veux dire, c'est incroyable, la mémoire, elle nous plus qu'elle nous aide. Puis c'est là, je dis, il y a un problème de discernement. Il faudrait à tout prix, dès qu'il y a quelqu'un là, qui fait partie de des. Là, je parle pas nécessairement. Mais dès que vous pouvez voir que quelqu'un est affilié à des clubs privés, mettons, on va dire, sans guillemets. Je parle des grosses patentes, là, que c'est du monde qui ont bien de l'argent, qui sont là-dedans, qui ont bien de l'influence. La confiance, ça devrait être suite zéro, non. Moi, je ne serais pas allé chercher. C'est là, le drette là, je l'ai bloqué, là. C'est bien dommage, mais c'est parce que peut-être, ben, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas confiance facilement. Fait que j'avais pas confiance dès le début. Statistiquement, les pessimistes ont souvent plus raison. Mais c'est pas nécessairement du pessimisme, c'est au sens où tu juste de juger un arbre à ses fruits, parce que ça marche pas, là. Ça marchera pas. Bon, en tout cas, Pas comme ça. ouais, non, je comprends. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire en date d'aujourd'hui, c'est que les mesures sanitaires sont toujours en place, puis il n'y a pas d'opposition crédible qui a fait ralentir le gouvernement là, significativement par rapport à ça, là. La seule opposition qui fait reculer le gouvernement, c'est le gouvernement. C'est quand eux, ils se mettent les pieds dedans que ça recule. C'est quand ils donnent des possibilités de. C'est tout. Là, à date, j'ai rien vu, moi, de. Ils ont pas l'air. Non, ils sont morts de rire. Ils ont bien du fun, là. Ça paraît en plus. Il y a à un moment donné, plus le docteur Arruda, je pense qu'il est plus nerveux. C'est comme je disais, c'est le système nerveux qui prend, puis il m'a là, le chapeau s'en vient, puis il le sait peut-être. Mais les d'autres, comme M. Dubé, puis ils ont l'air d'avoir du fun. Ben, je veux dire, je regarde les questions des journalistes, puis ils ont l'air de se retenir. Ils ont vraiment l'air d'avoir du. En tout cas, Bon, tu sais. on peut dire que les questions en général des journalistes ici au Québec depuis le début de Une la vraie crise farce. sont complaisantes par rapport au gouvernement. Puis ce qu'ils font, c'est souvent qu'ils demandent plus de mesures, ils veulent plus de répression. C'est eux autres qui poussent, ben oui, mais Ben c'est oui. sûr, regarde, c'était qui les médias. C'est qui est les médias. C'est qui les. Tout le temps lié à, tu sais, certaines familles. Puis les médias sont pas là pour. Le produit, c'est le lecteur, puis l'auditeur, pas le journal, puis l'émission. Le produit, c'est le. Dans le fond, là, ben non, mais c'est comme les journalistes, c'est dès que je lis un article profondément stupide, là, que c'est vraiment fallacieux, ça vise à manipuler, puis il y a pas. Les pires articles sont jamais signés. C'est Agence QMI, Agence France Presse. C'est jamais signé. Ou bien quand il va y avoir vraiment des journalistes qui envoient, si on pourrait dire, au front. Ils prennent des petits jeunes qui ont des. Qu'il faut qu'ils fassent leurs preuves, qui viennent de sortir du monde de 20 quelques années. Puis, des fois, je fais juste écouter les questions des journalistes au niveau de l'élocution. Puis, je me fais une image mentale du journaliste. Puis, j'ai l'impression que c'est quelqu'un avec un sac à dos, puis des running shoes. C'est ça mon impression, puis je pense que c'est ça. Parce que ça soit au propre ou au figuré. Mais pour faire une histoire courte, les journalistes présentement là, font pas une opposition au gouvernement. Ils vont dans leur sens, puis sont financés massivement à coups de millions depuis le début de la crise par le gouvernement. Fait que c'est sûr qu'à quelque part, ils vont pas mordre non plus la main qui les nourrit. Ben oui, ben c'est comme ça que. Puis de même d'ailleurs que. C'est là qu'il y a un conflit d'intérêts majeur. C'est supposé être le troisième pouvoir, les médias. Puis là, il y a un conflit d'intérêts qui est grave, puis qui n'a pas de sens. C'est pour ça que

ou qui peut Ah se non. connecter en clignant des yeux avec une lunette particulière, ou avec tout simplement les yeux à une interface robot ou Ben une oui, mais interface vocale. ça je dis, ben oui, mais t'en as qui vont être séduits par ça. Puis quelque part, ils vont être entrés là-dedans par-dessus la tête. Puis c'est eux autres, au fond, qui vont être en bas de la patente. Ben, Mais ils c'est ça, il va savent être pas. manipulé. T'sais. Quelqu'un, tu peux dire, ah ben tu vas être plus sous Ben la peau, puis tu vas voyons. être plus efficace, tu vois. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut nous faire miroiter, que le transhumanisme, t'sais, rendre les gens plus intelligents en intégrant des éléments informatiques ou des espèces de liens avec, admettons, un réseau Internet. C'est parce que le réseau neuronal du cerveau humain comme technologie, tu peux pas l'améliorer avec une forme de technologie inférieure comme les technologies qu'on a. Le biologique est une technologie que tu peux pas améliorer avec un autre type de technologie qui pue, à moins de, ça dépend, il faut avoir du discernement C'est ça, dans mais ça les peut yeux, tu rendre peux la pas vue devenir aux plus aveugles. intelligent. Ça peut rendre la vue aux aveugles. Ben oui, puis c'est d'être aveugle à autrement. Ça peut permettre à une personne qui est paralysée d'être en Ben oui, mais interface c'est une avec un torrage de ordinateur. pilules. C'est comme on disait tout à l'heure. On va dire au niveau, on va nous vendre comme de la justice sociale puis de l'égalité de rendre tout le monde pauvre, toute la planète. Puis de plus rien avoir. C'est la même chose là avec ça. On essaie de nous vendre des technologies en nous donnant juste les bons côtés. Ça redonne la vie aux aveugles. Ça. Tu sais, c'est rendu le substitut à la religion, la technologie. Puis comme Exactement. Jésus, ça redonne la vue aux aveugles. C'est des affaires fortes, c'est très puissant. Mais ça ne nous permet pas de C'est. voir clairement la Ben manipulation. là, c'est parce que tu vas être capable et tout à distance d'enlever la vue au monde. C'est-à-dire, là, il y a une émeute à telle place, puis tout, puis on a de la technologie, puis pouf, tout le monde est aveuglé. Il reste plus qu'à envoyer les robots qui mettent les taille-rap au poignet du monde. C'est ça, exactement, parce que si chaque personne a une nanopuce avec géolocalisation, ben il suffit, par exemple, si on prend le cas de nos ondes de couleur au Québec, tu sais, tu as des ondes rouge-orange, ben quelqu'un qui sort de sa zone illégalement pour aller dans une autre région du Québec, ben on peut dire, la minute que tu sors de ta zone, ton crédit est inactif, puis comme ça va être une monnaie électronique, ben à ce moment-là, la personne ne peut plus acheter puis vendre, fait qu'elle ne peut plus sortir de sa zone. Ben, t'as-tu vu comme. C'est. Moi, d'après moi, on va être rouge au complet pour Noël. Puis je pense que Même c'est dans le pas nord du parce que. Québec? Ah, ils vont mettre tout rouge. Moi, j'ai Ils vont l'impression. peut-être laisser un OK. coin plus pâle pour faire à croire que c'est pas voulu. Mais d'après moi, on va être rouge partout. Puis ça revient au même que faut remplacer. Ce qu'ils considèrent comme une forme d'irrationalité au monde pour la remplacer par une forme de rationalité qui est plus adéquate au niveau de la gestion du monde. C'est comme l'affaire de vouloir changer le nom de la Saint-Jean pour le festival du solstice d'été. C'est dans cette optique-là, moi, à mes yeux, c'est pour ça l'affaire de Noël. Noël, ça va être correct quand ça sera plus Noël. Je sais pas si tu comprends. Ben, il y en a qui ont appelé ça la fête de la lumière, parce que c'est à partir de ce Ben, moment-là que la le luminosité solstice augmente. d'hiver. Ouais, le solstice d'hiver. Et voilà, puis tout le monde va être supposément content, puis on possédera plus, même pas de notre identité, dans le fond, collective. Ça va être autre chose. Ben, ils veulent réinitialiser les nationalistes. Ben, l'agenda du Great Reset, c'est très simple. Enlever les nationalistes pour que les gens sortent à une conscience commune, inclusive. Eh oui, mais on s'en va vers ça, on s'en va vers une forme de Exact. socialisme planétaire. C'est ça. Mais ben, au niveau supramental, ce qui est intéressant d'aborder, c'est que le but des forces, c'est que les individus lâchent les mémoires anciennes, qu'ils empêchent d'être disponibles à plus Ah oui, mais un d'esprit. instant. C'est parce que ça, l'affaire d'enlever de la mémoire, faut que ça soit fait d'une façon qui sert l'homme. Faut que tu enlèves ce qu'il faut y enlever quand c'est le temps. Tu n'enlèves pas ce qu'il y a de besoin, il devrait être quand c'est notre besoin. Là, on est avec des forces vraiment de démolition contrôlée. Quelqu'un que t'as. Tu sais, c'est correct d'enlever une béquille à quelqu'un de guéri, mais tu n'y enlèves pas après y avoir donné des coups de pied dans les genoux. Puis c'est ça, là. Oui, exactement. C'est sûr que là, présentement, si on enlève la mémoire de célébrer les fêtes en famille à quelqu'un de 80 ans, tu risques de créer un Tu vas le traumatisme. tuer. Ben, c'est ça, Tu vas les exactement. faire mourir plus vite. C'est ça. Ils vont mourir plus vite. Tandis qu'un jeune C'est de. sûr. C'est ça, un C'est jeune. sûr. Ils veulent même pas de commission d'enquête sur le monde qui sont morts déshydratés d'un CHSLD, qui sont morts d'inanition. On est dans de la négligence criminelle. C'est de l'homicide par gestion, là. Moi, à mes yeux. Puis ils veulent pas. Ils veulent pas de. Ils devraient même pas avoir la possibilité de refuser une enquête indépendante. Ben oui, mais crime, justement, tu es en conflit d'intérêt de décider s'il va y en avoir une ou pas. Puis, ils n'en veulent pas. C'est Exactement. pas eux autres qui devraient C'est décider. ça. Mais là, Ils ont... ils ont dit que les responsables de résidence de personnes âgées vont être imputables à partir de maintenant. Ouais, c'est ça, ils vont porter le chapeau, comme je disais, parce que c'est toujours de même. Là, l'affaire, c'est que il y a un conflit d'intérêt à ce que qu'il y ait une enquête indépendante ou pas. Que ce soit la personne sur qui va que ce soit les instances sur qui va avoir enquête qui décident s'il y en a une ou pas. C'est pas logique. Fait qu'au niveau d'une démocratie représentative, si le peuple considère en majorité qu'on est mal représenté, il y a eu une mauvaise gestion, puis tout, c'est pas à l'État de dire, ben, il va en avoir une ou pas Une une enquête, enquête oui. indépendante. Tu devras en avoir une automatique. Parce que tu es en conflit d'intérêt de dire on n'en veut pas, on n'a pas besoin. Ça n'a pas Exactement. rapport. C'est comme si moi, j'allais voir quelqu'un puis que je soupçonne de mal gérer quelque chose, même d'être illégal dans l'illégalité. Mettons, c'est comme si j'étais à la police puis je m'en vais, je suis un criminel. Puis là, j'ai dit, ouais, ben là, c'est parce que là, faudrait qu'on parle, puis là, j'ai un mandat, faudrait que tu viennes avec moi, puis que je. Je lui dis, non, ça ne me tente pas, genre, ben désolé, puis même j'ai un mandat, bon, ben coudonc, désolé, tu t'en vas. C'est ça qu'ils font, là. Non, non, ça n'a pas de bon sens sur le plan humain. Bon, sur tous les plans. Exactement, exactement. C'est sur tous les plans que ça n'a pas d'allure. C'est ça. Puis ça, c'est qu'est-ce qui se passe au Québec. Puis c'est sûr que dans d'autres pays de la francophonie, parce qu'il y a des gens qui peuvent nous écouter en France, en Suisse, en Belgique, ils vivent des situations aussi qui n'ont pas d'allure, qui n'ont pas de bon sens, là. Donc, c'est sûr que la crise donne place à des situations abusives. Puis, le point sur lequel je voulais t'amener, c'est que, à quelque part, tout ça, parce que ça dure depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, toutes ces situations abusives-là, on sent jamais, en tout cas pour ce qui est du Québec, un basculement de la population pour dire ça suffit. Ben oui, mais ça, c'est à cause de comment les Québécois sont. Puis même les Canadiens anglais. C'est sûr que ça allait être plus long ici. C'est-à-dire, tu vas avoir des lanceurs d'alerte plus rapidement. Au niveau individuel, ça va plus vite. Mais au niveau collectif, ça va plus lentement. C'est sûr parce que il y a des lois qui font que c'est comme ça. Dans les collectifs. Les fortes individualités rapides vont venir au monde dans des terreaux où ça c'est attaqué, où ça c'est difficile, où ça c'est mis. Parce que quelqu'un qui est vraiment marqué pour s'individuer, plus tu vas essayer de le désindividuer, plus il va s'individuer, puis même s'il veut pas. Mais ça va tout être dans un milieu où le collectif est très peu individué ou comment je pourrais dire ça? Très réactif par rapport à tout ce qui est une manifestation d'une pensée individuelle libre. Mais c'est-tu pour des raisons d'équilibrage que tu mets quelqu'un qui est plus individualisé dans un groupe qu'il l'est moins? Non, je vois ça que c'est des lois. Parce que le fait de vivre dans une société qui est très comme ça, si on peut dire, où il y a beaucoup de conformité, ça va être propice à faire naître par réaction. Des êtres extrêmement individualisés. Comme plus une société est conformiste, puis plus tu vas avoir des individus qui sont complètement. Quand tu vas vraiment tomber sur quelqu'un d'individué, là, ça va être vraiment là, le top de l'individuation, puis c'est dans des milieux extrêmement conformistes que ça apparaît. Comme si tu regardes une société, mettons, bien ben conformiste comme le Japon. C'est sûr que ceux qui sont excentriques, ils ne sont pas à peu près. Mais là, c'est au niveau d'une sorte d'enfantillage de situé par rapport au collectif. Mais tu vas remarquer aussi qu'il va y avoir des gens qui ont une façon de voir qui est

même si au niveau de ce qui est au-delà de la forme, on ne parle pas en tout de la même affaire, au niveau de la forme, ça ressent. Bien, attendez-vous à ce qu'il y a des gens qui vont considérer le supramental au Québec, ces termes-là, l'homme nouveau, les races racines, l'évolution. Ils vont essayer d'associer ça à de l'extrême droite, alors que ça n'a rien à voir. Ça va être la branche spirituelle de l'extrême droite au Québec. Ça peut être présenté comme ça. Ben, de toute façon, toute l'astral va tout faire pour discréditer le C'est ça. Ça supramental. marche peut-être par l'inversion puis le simulacre. Puis ce qui va caractériser ça, c'est l'aspect toujours fallacieux. Puis toujours au niveau d'un but qui est un détournement de l'énergie. Moi, c'est sûr que je te parle des exemples concrets de forces de mort, ça va tout être lié à ça. Puis, de tout à faire passer les forces de vie pour malsaines. C'est comme là ceux qui disent que, au fond, le Québécois moyen, c'est un crisse d'imbécile, tu sais, il est misogyne, il est homophobe, il est raciste, puis tout. Puis là, tu as du monde, des universitaires qui sont dans les médias, qui ont fini par dire le terreau de ça, c'est la famille. Ben oui, mais la solution à ça, c'est aussi la famille. Ils s'en rendent pas compte de ça. Que le problème puis la solution, ça vient du même giron. Puis que tu peux pas diaboliser toute la patente puis de dire, ben la famille. Puis là, après ça, c'est là qu'on se ramasse avec des instances comme la DPJ, qu'ils ont plus de pouvoir que des policiers. Il y a certaines travailleuses sociales, ils peuvent faire des choses qu'un policier ne peut pas. Lui, le policier, faudrait qu'il y ait un mandat, elle peut tout de suite aller retirer quelqu'un, puis sans avoir les preuves suffisantes, juste sur le fait que au niveau de ses études, de son expertise. Puis, ben oui, mais tout ça, s'il reste que ça marche pas. Je veux dire, est-ce qu'on peut se rendre compte, on se rend compte que c'est un fiasco total? Que tout ce qui était les services sociaux au Québec, que ça, on dirait que ça a été fait exprès parce qu'au fond, c'est construit non pas sur du réel concret, puis de la science, mais sur de l'idéologie, puis de la politique, puis du virtuel. Puis que ça, on peut pas forcer le réel à entrer dans des formes parce que ça fit avec les idées Non, que. non, mais ici, c'est ça. Pour les gens qui nous écoutent en Europe, ça fait des années que par rapport à la protection de la jeunesse, il y a toujours des problèmes, puis il y a des jeunes qui sont maltraités, puis il y a des jeunes qui meurent, puis le système s'ajuste pas. Puis là, ça fait pas juste 2, 3 ans, là, ça fait plus un paquet d'années, là. 25 ans? Ben, le Doc Mailloux, ça, je pense, ça doit faire au moins 20 ans qu'il Ah, critique hein? la DPJ, au moins, là. Oh. Puis, non, non, ça tourne pas rond. Puis, tu sais, c'est comme le réseau de la santé, tu sais, même avec la crise, ça s'améliore pas, hein? Il n'y a pas d'ajustement, puis c'est mal géré, puis... Ben oui, puis regarde comment que, justement, le docteur Mailloux, lui, quand il a voulu sonner l'alerte sur la gestion par la DPJ, parce qu'il voyait dans sa pratique les effets sur le psychisme de ces enfants-là, Oui. le collège des médecins, puis tout ça, est-ce qu'ils ont fait un rapport au niveau des services sociaux pour sonner l'alarme, puis dire la DPJ, il y a des choses qui vont pas? Non, non. Ils ont tout fait pour fermer la gueule à l'autre, dire ce bonhomme-là, il y a de quoi qui va pas. Puis c'est encore tout le temps les mêmes accusations. Il est raciste, il est homophobe, il est misogyne, il est ci, il est ça. Puis quand tu l'écoutes, tu te rends compte que non, pas du tout. La seule affaire, il est gênant. Ben, c'est parce qu'il va pas dans le sens du discours officiel. Fait que là, il est pas dans la Ben pensée non, il va dans unique. le sens de ce qu'il constate. Ben, c'est ça le problème, c'est que... Supposé être la science, là, on est supposé se baser sur la science. Puis lui, le bonhomme, il parle comme il marche, un peu comme un cultivateur, puis tout. Ben moi, c'est ce genre de monde-là que j'aime. Parce qu'il Ouais, n'y en a pas des. ben oui, Il moi dit, moi, aussi. j'ai constaté telle affaire, puis c'est-tu possible que telle affaire, puis c'est pas ça, bon, on fera une autre hypothèse. Ça, j'aime ça. Ouais, ben moi aussi, Plutôt que quelqu'un qui. je Ouais, l'apprécie beaucoup. on m'a expliqué que telle affaire, puis gna gna gna. Fait que là, de tout faire entrer le réel dans une grille de lecture pour créer une sorte de paradigme qui est une virtualité qui n'est pas réelle. Ça, c'est de l'intellect pur. Puis. Moi, je ne me considère pas comme un intellectuel, mais vraiment pas pantoute. Mais il y a du monde qui sont dans certains corps de métier, puis tout, qui se prennent pour des grands intellectuels. Puis justement, c'est l'intellect le problème. Puis là, c'est parce qu'on n'est pas dans l'idée. C'est un peu comme un couple proche de moi. Il y a eu un couple par rapport d'une personne vulnérable que les services sociaux, et cette personne vulnérable-là, était au niveau de son entourage avec quelqu'un qui était dangereux pour elle. Puis les services sociaux, ils n'ont rien dit parce qu'ils disaient, ah ben, c'est cute dans le fond. Puis ils ont voulu voir ça selon leur idée. De la réinsertion, puis de comme de la réinsertion sociale, puis leur idéal d'intervention, puis comment ça devrait être, puis tout. Puis ils n'ont jamais vu qu'ils mettaient en danger quelqu'un par leur manque de discernement, qui ne protégeait pas la. La vie de la personne, ouais. Ah non, non, là, c'est rendu, les services sociaux, ils font tellement souvent plus de tort que de bien. Puis c'est pas lié au fait qu'ils sont incompétents, c'est lié au fait qu'ils n'ont pas de discernement, mais ça revient au même. Mais je parle pas, je généralise pas, il doit y en avoir des pas pires. Parce que ça se peut, là, ça paraîtrait plus que ça. Puis on aurait plus de scandales que ça, fait qu'il y en a, c'est qu'ils ont de l'allure, c'est sûr, il y en a tout le temps. Dans tous les milieux, même dans un milieu qui n'a pas d'allure, il va y avoir du monde qui ont de l'allure dedans. Mais Oui, là. mais il y a toujours des exceptions. Mais en tout cas, présentement, le milieu que je trouve qui n'a pas d'allure, c'est celui médical qui, dans le fond, présentement, au Québec, il n'y a pas vraiment d'opposition aux mesures sanitaires. Puis tout ça, c'est décidé de manière arbitraire, là, les histoires de décrets. Puis, tu sais, il n'y a pas En d'études. apparence. OK. Il y a de l'improvisation, je trouve, au niveau de la communication, mais le reste, là, c'est vraiment juste en apparence. Parce que, comme je dis, l'affaire qu'il n'y aurait pas de Noël, c'était décidé bien avant, là. Il n'y a pas eu de. C'est pour ça aussi qu'ils n'ont pas besoin de. Tu sais, c'est un peu. Il y en a, ils sont choqués. Ils disent, il n'y a pas de notes. Oui, ils prennent pas de Fait que notes dans non. leur rencontre, exactement, là. Ben non, ils n'ont pas besoin. Oh. C'est pas, c'est décidé d'avance. C'est pas par eux autres, c'est décidé. Il n'y a pas besoin de notes. Ben, quoique dans la question d'annuler Noël, François Legault a clairement précisé, notre premier ministre, que la décision ne s'appuyait pas sur la Je le santé crois pas. publique. Ouais, ça au moins il le dit. Mais s'il me fait croire que ça vient de lui, je le crois pas. Moi non plus, parce que dans le fond, l'agenda du Great Reset. C'est pas spécifique au Québec. Aux États-Unis, c'était Biden qui disait qu'il fallait pas qu'il y ait de Thanksgiving. Je suis pas mal sûr que si on regarde d'autres pays, ils vont dire non, il Oh, faut mais pas qu'il y ait d'autres il y a fêtes. juste d'un pays à l'autre, c'est ça. Exactement. Ça vient d'en haut, Comme puis tu sais, on a notre Arruda, reçu Arruda avec son imprégnette des 12 objectifs globaux avec les couleurs, là, qui curieusement ressemblent aux couleurs de la CAQ par rapport à leur logo, la Coalition Avenir Québec. Curieusement, ça donne de même. Tu sais, c'est un hasard qui a à peu près les mêmes couleurs avec le cercle. ben, ceux que ça intéresse d'aller voir les cofondateurs de la CAQ. Puis ça vous tente de regarder l'historique de professionnel de ces gens-là. Puis c'est ça. Tu sais, moi, je suis pas pour dire, bon, ben, tel c'est ci, puis tel c'est ça. C'est au monde à regarder. Mais on a affaire à. Moi, je l'ai tout le temps. C'est lié à c'est tout le temps lié à des intérêts qui n'ont rien à voir avec ce qui est présenté. Non, c'est ça. En apparence, la CAQ s'est Puis. présentée comme un parti nationaliste qui défendrait les intérêts des Québécois. Mais depuis le début de la gestion de la crise, ils suivent des politiques mondialistes qui ne sont pas à notre avantage. Puis Legault qui se présentait comme celui qui va améliorer l'économie québécoise, c'est en train de faire le contraire en détruisant les PME, les petites et moyennes entreprises à grande Voyons. vitesse. Oh oui, ils vont améliorer l'économie de certaines personnes. C'est tout. Oui, ben les Puis c'est tout le GAFA, temps Google, ça. Apple, Facebook, Amazon, qui sont les grands gagnants, tous les grands monopoles internationaux au niveau des services en ligne, ben c'est eux autres les grands gagnants de la crise. Les actions ont augmenté en bourse à des sommets vertigineux. Le Québec est extrêmement important. Le monde n'a pas l'air de se rendre compte. À quel point le Québec est important pour l'avenir. Parce que il y a beaucoup, il y a des on s'en va vers. Ils veulent à tout prix, justement, ils vont créer un choc puis tout, mais ils veulent qu'il y ait un abandon de tout ce qui est les combustibles fossiles. Ben, le sol québécois, il est très, très, très riche au niveau d'alternatives. Puis il y a des compagnies qui veulent la ressource. Puis, les Québécois ne se rendent pas compte. Pourquoi que c'est corrompu de même? Pourquoi le Québec est considéré la province la plus corrompue du Canada? C'est à cause du potentiel. Pourquoi est-ce que ça va Ben, mal en Haïti? C'est à cause de... ouais, je Les comprends. Haïtiens sont très, très riches, ils ne savent pas. C'est ça, mais les alternatives aux énergies fossiles, est-ce que tu parlais ici du gaz naturel? OK. Non, je parle les métaux salins, comme le lithium, entre autres. Aussi, on a beaucoup au Québec de graphite. Il s'en vient des technologies de mine au graphite, puis ils sont tout en train Ben, en de lien séparer avec le ça, futur gâteau, là. en Les lien avec. personnes qui... Oui. Ceux qui sont au courant, ils veulent tellement avoir leur part qu'ils s'en foutent. Ils sont tellement contents d'avoir la queue qu'ils vont pas alerter personne. Mais c'est parce qu'au Québec, on a des. Là, on s'en va vers des technologies, on va pouvoir mettre on va pouvoir accumuler de l'énergie. Oh, tu sais, il n'y aura plus de besoin de combustion pour faire fonctionner des rotors. Puis je parle par exemple comme des autos, des choses comme ça. Il n'y aura plus besoin Et on s'en va vers ça. Puis le Québec, il n'y a pas de mots pour dire comment il est riche à ce niveau-là. Ben oui, on parle d'autos qui vont fonctionner avec une batterie au lithium de type électrique. On a le deuxième plus gros gisement de lithium au monde au Québec. C'est pareil pour le graphite, puis c'est pareil pour plein d'autres métaux stratégiques très importants. Puis même, il y a des choses qui ont été découvertes, puis que c'est même pas public, puis ils savent qu'il y en a au Québec, dans le sol. Puis de toute façon, là, à cette heure-là, t'envoies des ondes dans le sol, puis en tout cas, ils viennent à bout de savoir exactement. Puis il y a des choses la neige commence à fondre à certaines places, là, que c'était du pergélisol, puis tout, puis ils sont bien. Les Québécois, là, on va se faire voler. C'est comme Duplessis dans le temps, une somme la tonne, là, le minerai, mais à puissance 10. Puis ici, il n'y a personne qui regarde ça. Parce que là, c'est à long terme, là, je parle. C'est des Oui. affaires plus à long terme. Mais il y a du monde qui le veulent, ça. Puis c'est pas eux autres. C'est pareil pour l'eau. Le Québec, là, c'est la place qui est la plus grosse, une des plus grosses réserves d'eau douce sur la planète, là. Puis pas à peu près, là, je veux dire, il est vraiment là. Le monde, là, on est là à vouloir nous vendre les histoires d'environnement, puis tout. Puis c'est incroyable l'hypocrisie parce qu'en ce moment, il y a des instances, ils veulent nous voler nos ressources. Tu sais, je veux dire, c'est les mêmes qui parlent de vouloir rendre l'eau accessible à tout le monde, puis les mêmes qui parlent de vouloir rendre l'énergie gratuite. C'est incroyable l'hypocrisie du monde. On est rendu d'une sorte de religion que Greta Thunberg et Jeanne d'Arc, puis ça, Oui, et ben la dans le religion fond, on verte, est. là, au nom de l'écologie, Ben oui. il y a toutes sortes de choses qui sont faites. Puis un Puis. des aspects du Great Reset, c'est la bourse de carbone, c'est-à-dire faire payer les méchants pollueurs pour réduire la consommation de Ben oui, carbone. ben, les méchants pollueurs qui vont payer, ça va tout le temps être la masse, dans le fond. C'est des taxes déguisées. Des droits de polluer, si t'as les moyens de les acheter, tu peux faire de l'argent avec. Si t'as le Ben moyen oui, de parce que tu peux polluer, les revendre à d'autres personnes. ben c'est pas. Tu sais, c'est aussi que si t'as le droit de polluer, puis que toi, ton entreprise qui pollue, en payant ton droit de polluer, tu rentabilises à puissance 10, là. Tu t'en fous. Parce que c'est ceux qui n'ont pas les moyens de polluer qui vont payer le plus parce qu'eux autres, ils ne pourront pas rentabiliser ça. Ça va être en pure perte. C'est une façon encore d'affaiblir tout le monde. On a des taxes déguisées. Ils devraient appeler ça. Je ne sais pas. Moi, je vois ça. C'est quasiment du racket, dans le fond. C'est le C'est racket. du brainwashing, du greenwashing, devrais-je dire. Ouais. Ça, Donc, c'est pas mal. c'est ça, c'est qu'on se fait laver le cerveau au nom de la croyance qu'on va être plus vert si on agit en fonction d'un agenda, mais en réalité, on est manipulé par rapport à ça. C'est pour ça que on n'a plus le droit. C'est pour ça que c'est mieux de. Plus de Noël, ça sera le festival du solstice d'hiver. Puis Jeanne d'Arc, ça devrait être considéré comme une figure de l'extrême droite, puis à la place, on met Greta. Tu sais, tant qu'à faire, tant qu'à virer fou comme du monde. sais, c'est rendu tellement n'importe quoi, c'est tellement Oui, mais ridicule. la manipulation, on l'avait vu dans le livre de George Orwell, 1984, avec la novlangue, la nouvelle langue, puis il y a des inversions. Tu sais, on va Ben, dire que dans le fond, la paix, c'est la guerre, l'ignorance, c'est le pouvoir, puis. pour détruire le sens critique, enlever les repères, puis si tu contrôles le langage, tu contrôles tout. Donc, pour avoir du pouvoir, il faut que tu deviennes de plus en plus ignorant, par exemple. Ça donne ça comme message. Puis si tu veux avoir la paix, ben ça prend de la guerre, tu sais. Oui, mais le pire, c'est qu'à quelque part, c'est au niveau d'un langage qui fait que la forme n'a plus de signifiance réelle, qu'on voit plus ce qu'il y a au-delà. C'est tout. Mais c'est là qu'il y a un problème de manque de discernement, puis que le monde, ils se font enlever leur discernement. Mais il reste que, d'un autre côté, l'être humain, il y a des ressources qui sont pas liées juste au côté rationnel. Puis c'est là que je dis qu'il peut y avoir des imprévus. Puis les imprévus, ils vont être pour ceux qui pensent qu'ils contrôlent tout. C'est eux qui vont avoir à gérer des imprévus. C'est Ben, sûr, ça va être les comme masses les. vont avoir à gérer Oui. des imprévus prévus par eux autres, mais eux autres vont avoir à gérer des imprévus prévus par personne. Exactement. Quoique, si tu as vu comme moi les séries de films de la Matrice, Néo Non. qui. T'avais pas vu ça? J'essaie d'écouter le premier, puis j'accroche le pot. OK, mais en J'ai tout jamais cas, ouais. été capable de. L'histoire, c'est que les gens sont gérés à leur insu par des systèmes informatiques, des machines très intelligentes. C'est un film de science. Ben, en fait, c'est des Moi, ouais, films je de science-fiction, il y a une connais le trilogie. synopsis, puis tout, parce que Oui, tout le monde a mené, il parle rien de ça. c'est ça, mais ce qui est bon là-dedans, c'est que Néo représente un bug dans la matrice. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne se comporte pas selon les paramètres préétablis par l'intelligence, le système qui gère les individus. Fait que là, il est comme une espèce d'anomalie systémique. Donc, Pourquoi il appelle l'élu? C'est parce que c'est prévu, mais par d'autres choses. ben, Il me semble qu'il disait ça. oui, ben, Moi, je me suis arrêté. oui. Il est rendu chez une madame qui garde des enfants puis qui fume. Puis j'avais arrêté là. Mais tout le reste, j'ai vu des extraits du reste puis tout, parce que tout le monde parlait rien que de C'est ça. ça, mais ce qui est intéressant là-dedans, Mais c'est moi, que. j'avais préféré Dark City. Mais je pense que c'est le même monde qui ont fait le film. C'est juste que Dark City, il n'a pas pogné. Le monde a trouvé que c'était trop dur à comprendre, c'était trop compliqué. Puis il n'y avait pas assez d'explications. Puis c'est la matrice finalement qui a bien pogné, mais quelque part c'est les mêmes messages, mais présentés différemment. C'est possible, mais en Mais. tout cas, ce qui était particulier, c'est que Néo, c'est comme une anomalie systémique, dans le sens que les concepteurs, a priori, donnent l'impression qu'ils n'ont pas prévu ça, puis finalement, c'était comme prévu que ça pouvait arriver, fait qu'ils ont créé la madame qui est l'oracle, qui garde les enfants, comme une espèce Ah d'interface pour oui, c'est elle qui récupérer fume. l'animalie. Comment? La seule qui fume. Oui, c'est ça, exact, celle qui fume, c'est l'oracle. L'oracle, c'est comme un système qui s'oppose à l'architecte, qui est celui qui régit la matrice. Mais en réalité, c'est deux systèmes informatiques pareils, tu comprends? C'est juste qu'ils ont comme des visions différentes. Mais le point, c'est que, en tout cas, bref, pour faire la comparaison, que nos contrôles, ceux qui nous contrôlent, c'est que oui, ils peuvent générer, par exemple, une opposition contrôlée puis récupérer certains individus qui cherchent à sortir du système, un peu comme Néo. Puis il y a l'oracle qui est un autre logiciel qui cherche avec un agenda, il y a quand même une ligne pour diriger l'individu, mais en même temps, ceux qui sont en conscience supramentale, alors que nos dirigeants ne le sont pas nécessairement, sortent des boîtes puis des paramètres préétablis, là, deviennent comme des anomalies systémiques. Ouais, mais c'est pour ceux qui sont sûrement surveillés. Tout le monde. Puis moi, je les trouverais particulièrement intéressants, eux autres, parce que ce qui est épeurant, c'est ce qu'on ne peut pas comprendre. Puis c'est, en tout cas. Ben non, ben moi, c'est comme les premières vidéos là, que j'ai faites sur YouTube. Ouais. Des fois, je m'adressais carrément, j'envoyais des petits clins d'œil carrément à du monde de même, chargé de surveiller les autres. Une façon de dire. Tu te fais un petit peu comme un petit Chris. Mais dans le sens que des fois, j'envoyais un petit clin d'œil, mais c'était de ma façon vite faite, parce que sachant à quoi sert Internet, à quoi sert les réseaux sociaux, sachant comment c'est fait, puis que tout est surveillé, puis fait que de temps en temps, je faisais exprès. C'était ma façon de faire.

On essaie de nous faire à croire, par exemple, que comme par le transhumanisme, ben, on va pouvoir encore plus s'individualiser parce que on va pouvoir s'améliorer selon nos choix, puis selon nos... Ben oui, mais ce que ça risque d'aboutir, c'est que quand que... C'est comme un... Il y a rien de plus banal que... Mettons un service d'ustensiles complètement tout dépareillé. Je veux dire, c'est à ça que ça aboutit. C'est-à-dire que ces petites excentricités-là qui vont être de la fausse individualité, qui vont être de la fausse identité, ça va finir en bout de ligne que tout le monde va être tout pareil, mais ça va avoir l'air de tout puis n'importe quoi. Mais c'est à l'intérieur qu'il va avoir une vraie conformité. Mais l'extérieur. Puis c'est comme on essaie de nous faire passer de la créativité qui est liée à de la personnalité comme de la créativité, mais au fond, c'est de la corruption, c'est de la... Tu sais, je vois pourquoi. Moi, c'est bien de valeur, là, mais quelqu'un qui... Je sais-tu, moi, qui a des tatouages jusqu'ici dans la face, puis des trous gros de même dans les oreilles, je parle pas à ça. Puis, c'est pas parce que je juge ou que je suis pas correct ou que je suis méchant. Ça n'a rien à voir. C'est parce que, à un moment donné, ma capacité d'empathie, elle a des limites, puis c'est vibratoire, ça. C'est-à-dire, la personne, à un moment donné, je la capte même plus. Ben, c'est sûr que, Quelqu'un tu qui... sais, quelqu'un, mettons, qui est sous influence astrale, ben, il va chercher à se réfugier dans le symbole, puis être rempli de symboles pour se donner une identité. Dans certains cas, là, le tatouage peut avoir ça comme fonction. Donc, Même des fois, je me rappelle d'une, ça fait longtemps, je restais dans une autre ville, elle était juste cognée à notre porte parce qu'elle avait besoin de faire un téléphone, puis elle était dans une situation qu'elle n'avait pas le choix. Puis cette dame, elle avait des grosses boucles d'oreilles, là, c'était des grosses croix, puis avec quelques petits tatouages, puis j'avais juste regardé ça de loin, puis j'avais dit à ma conjointe du temps, j'ai dit, elle va revenir. Puis elle va te redemander d'autres choses, puis te redemander d'autres choses, puis te redemander d'autres choses. T'as été trop fine avec. Puis je reconnais un signe, elle va revenir. Puis comme de fait, là, à un moment donné, il a fallu qu'elle choque. Elle dise, écoute, toi, là, va te faire des amis ailleurs. T'as pas rapport là, de venir nous de coller ici, tu sais, écœure-nous plus. Puis il a fallu être méchant avec pour qu'elle sacque son camp. Mais je le sentais que ça allait revenir. Parce que Chris, il y a une charge négative qui fait que c'est comme des mouches attirées par une lumière. Mais c'est pas, je dis pas ça au sens d'un mépris ou d'une façon condescendante, mais il y a quelque chose de tout ça. Puis j'ai l'impression que plus ça va aller, ben plus quelque part il va y avoir un cloisonnement entre différentes races mentales. Parce que moi, du monde, des fois, quand ils sont rendus trop loin dans leur patente, quand ils sont trop dénaturés ou trop. J'y capte plus, j'ai plus d'empathie. Puis je veux même pas y voir, je veux même pas m'entendre parler, je veux rien C'est ça, savoir. mais en tout cas, on est dans une période de cloisonnement. T'sais, on dit aux gens, restez chez vous, sortez pas, réunissez-vous pas. Fait que il y a des gens tout seuls chez eux qui peuvent se rehausser vibratoirement parce qu'ils sont moins pollués par le collectif, tandis que d'autres, au contraire, ils vont s'astraliser au bout. Fait que tu vois des gens très dépareillés qui peuvent ressortir de cette Ben situation-là oui. d'isolement. Parce que du monde que j'ai fui il y a quelques années, peut-être que justement, ils vont se rehausser, puis je vais faire le saut. Je suis toujours surpris. On ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver, puis avec qui. Moi, j'ai bien de la misère à prévoir qui. Je me rappelle du monde à l'école qui était brillant, puis qui ont fini mal fini, puis d'autres que c'était. On aurait dit qu'il n'y allait rien, puis c'est aujourd'hui. C'est tellement difficile à prévoir. Puis. Mais puis ça aussi, c'est l'imprévisibilité de. Il y a juste même le psychologique est difficile à prédire, puis pourtant il est lié à de la mécanique, puis de la cause à effet, puis un paquet d'affaires. Fait qu'imagine l'esprit. Au Exactement. niveau du rationnel, comment on peut rien prédire des. C'est impossible. On peut pas. C'est un peu comme, tu sais, je ne sais pas si Bernard dit, pour vraiment comprendre la matière, il faudrait que les physiciens sortent de la matière. Puis sont incarnés dans la matière. Puis là, on peut sentir l'esprit, mais on ne peut pas le comprendre psychologiquement. C'est impossible. C'est Donc, ça, ça se comprend pas intellectuellement. Mais non. C'est un petit peu comme le C'est. plan astral. Pour le comprendre, il faut avoir déjà un pied en contact avec le plan éthérique pour avoir un recul du plan astral. Si on est absorbé par le plan astral, on ne peut pas voir au travers. Ben, l'astral, faut vraiment bien bien le voir plus tard. Faut des fois avoir été très très très très astralisé à faire. Pour avoir un justement, comment je pourrais dire ça, donc, c'est, tu sais, l'astral, faut que tu t'ailles être astralisé quelque part. Pour te désastraliser. Quelqu'un, j'aime mieux, à mes yeux, quelqu'un qui est très, très, qui était très, très astral, puis qui s'est désastralisé, c'est sûr que il va avoir plus de facilité d'intégration qu'à quelqu'un qui n'a jamais été astralisé pantoute. Mais, tu sais, pas au sens à ce niveau-là, tu sais, il y a tout le temps de l'astral pareil. Mais c'est comme, y a du monde, on dit, c'est un peu comme, faut que tu sois y allé. C'est difficile de regarder, je sais pas, moi, j'imagine des militaires qui regardent les nouvelles, si on l'a vraiment vécu, c'est sûr que ce qu'ils voient, c'est pas pareil. Pourtant, ils sont plus à la guerre, puis ils retourneront plus, là, certains. Mais ils savent bien plus c'est quoi la guerre que d'autres. Mais ils vont peut-être moins y aller que d'autres. Ils vont pas y retourner. C'est pareil, l'astral. Je vous sens un peu de même. Dans le sens que quelqu'un qui est très, très astralisé peut être le moins astralisé plus tard que d'autres qui ne le sont pas Ben, beaucoup en s'il y en ce a moment. souffert, un peu comme quelqu'un qui a connu l'enfer de la drogue, puis des états de crise, puis de manque, puis de dépression liée à ça important, ben, c'est sûr que s'il s'en sort, ben, il va avoir sans doute un recul plus grand que la personne qui n'en a pas souffert, là. Ben, c'est pour ça que les meilleurs intervenants là-dedans, c'est des anciens toxicomanes. Moi, c'est comme, de toute façon, juste au niveau de l'empathie. Il faut qu'il y ait un phénomène, il faut que la personne ait connu le problème. C'est pour ça que moi, j'ai bien de la misère. Comme par exemple, des professeurs qui vont enseigner des choses qu'eux-mêmes. Ou bien, dans le temps, là, les curés qui arrivaient dans les familles, puis ils essayaient, là, eux autres, c'était des conseillers matrimoniaux, puis ils disaient comment élever tes enfants, puis ils n'ont pas d'enfants, puis ils sont pas en couple. Tu sais, moi, j'ai bien de la misère, j'ai bien de la misère avec un intervenant en toxicomanie qui a jamais côtoyé ces milieux-là, puis qui arrive bing-bang, puis qui essaye d'appliquer des choses qu'il a apprises en sciences sociales ou peu importe. Ça peut pas marcher, juste ça. Ben, c'est sûr Il y aura qu'idéalement, pas. s'il y a un véhicule pertinent en plus de la théorie, ça peut être plus intéressant. Mais en même temps, ce n'est pas nécessairement garant de la qualité de l'intervenant, dans le sens que quelqu'un ne peut pas avoir vécu toutes les situations. Un peu comme un chirurgien, il n'a pas à passer à travers un cancer de l'estomac pour être Bon, mais capable non, mais là, c'est d'opérer. pas pareil, là. Je vois pas ça pareil. Parce que, non, c'est plus dans le sens, les intervenants plus tard au niveau des services sociaux que je vais être le plus porté à faire confiance, c'est peut-être ceux qui vont avoir souffert des services sociaux maintenant. C'est comme, Ah, ben oui, parce qu'on a plus de sensibilité pour ben oui. l'individu. C'est pour ça que je disais tantôt, je disais au niveau de l'empathie. C'est pour ça que j'aime pas ça que les interventions avec les toxicomanes ne soient pas des anciens toxicomanes. Même à la limite des toxicomanes. Pourquoi pas? Ben, c'est ça, on n'a Mais. pas sorti, ils vont faire plonger les autres davantage. Non, c'est parce que t'as des toxicomanes fonctionnels. Puis t'en as qui le sont pas. T'as des héroïnomanes qui sont capables de travailler. Ça a l'air Mais s'ils sont surprenant, il y en a. réellement fonctionnels, on ne parle plus à ce moment-là de problème de toxicomanie. Bon, oui, il est encore là le problème. Parce qu'il n'est pas réglé, là. La personne est fonctionnelle au niveau qu'elle peut travailler puis fonctionner socialement. Puis, mais elle n'est pas fonctionnelle au sens où elle souffre encore de sa consommation puis qu'elle voudrait s'en défaire. Là, à ce niveau-là. Mais ils peuvent être intervenants pareil. Parce que pourquoi pas? Je veux dire, c'est un peu comme. Les intervenantes au niveau des femmes en difficulté, c'est important pour moi que je trouve que le plus logique, ce soit des femmes qui étaient en difficulté ou qui peuvent l'être. C'est un peu comme, mettons, là, on a parlé là, de, tu sais, comme là, on va en parler de plus en plus parce que là, ça va se tirer en masse, puis il va y avoir des drames familiaux, puis il va y en avoir en masse, mettons, la détresse des hommes. Ben oui, mais un homme qui est en détresse, puis toutes les histoires de CLSC, puis de travailleurs sociaux, puis de psychologues, puis de. Ça vaut quoi, ça? C'est pour ça que c'est mieux d'aller vers des ressources que c'est des hommes. qui ont déjà été en difficulté, puis que tu as d'autres hommes, puis ils se parlent entre eux, puis ils vont pouvoir se seconder, mettons, entre eux. C'est plus intelligent que d'aller voir une petite fille de 22 ans qui sort de ce que ça n'a pas rapport, puis c'est pareil, mettons, on n'envoie pas des femmes battues chez des messieurs anciens prisonniers. Pourquoi que si on envoie des hommes, mais il n'y a pas de ressources parce que c'est moins vendeur, fait que l'argent arrive moins à ces organismes-là C'est ça, quand ils c'est sont pour des hommes. sous-représentés. Il y en a quand même qui existent pour les hommes en Ben, difficulté, mais ils sont ils n'ont pas l'air sous-représentés de comprendre que si tu aides les hommes en difficulté, tu vas aider les femmes. En indirectement parce que aussi. tout est interrelié. Ben là, la femme battue, là, le problème, c'est pas rien que la femme battue, lui tout, il y a un méchant problème. Fait que, tu sais, lui tout, là, ça va prendre des ressources peut-être. Fait que, puis ça, ben, ça peut aider, là, mais en tout cas, moi, je trouve pas ça logique que là, on voit pas ça que si t'aides pas les hommes en difficulté, Oui, tu mais vas il y en a aider qui les le voient. femmes. J'avais écouté une émission de radio par rapport à une station de Québec qui faisait une levée de fonds pour un organisme d'hommes en difficulté. Puis il expliquait que tu avais peut-être 10 organismes pour les femmes en difficulté, pour un pour les hommes, ils étaient sous-représentés. Ben moi, ici, il n'y en a pas pour les hommes. Parce que quand que j'étais un petit peu dans le communautaire, puis là que c'était le temps de référer du monde, il y en a, je ne savais pas. Puis même les autres, que c'était carrément, c'est le nom qu'il y avait. Puis les autres, que c'était supposé être leur job de référer, ils ne savaient pas non plus quoi faire. Ou les envoyer. Ben, il y a le CLSC, les listes d'attente. Ben oui, mais. Tu sais, le gars, il a passé 3 ans en prison, puis je vais pas l'envoyer jaser avec la petite fille au CLSC qui a pas de vécu, puis qui. Ben, Il y a de quoi qui fais marche pas, là. attention, là, parce qu'au niveau du CLSC, oui, tu as des jeunes filles qui sont là, mais tu sais, tu peux avoir aussi une intervenante qui a 50 ans, puis elle a un vécu parce qu'elle a connu un homme violent dans son passé, tu sais, il y a toutes sortes Bon, de monde. justement, là, ça peut être le pire. Parce qu'elle n'aura pas envie de cet homme-là, elle peut faire un transfert dessus puis avoir envie d'y nuire. Se Il peut venger, il y avoir en a. possibilité de revanche psychologique Ben là, inconsciente, c'est sûr. tu sais, ça marche dans les deux sens, là, ces phénomènes de transfert-là. Autant Oui, que transfert et si tu apprends une contre-transfert. empathie puis tout, tu Oui. peux avoir une antipathie liée à ton expérience puis ton vécu, ça dépend comment il est intégré. Exactement. Puis moi, si. Moi, je ne veux pas parler contre les CLSC, là, mais l'expérience que j'ai eue avec ça, puis j'ai pas eu grande expérience avec ça, là. J'imagine qu'il y a des affaires, hein, il y a du bon monde et tout, il y en a qui sont compétents, là, mais. Mais c'est pas des gens Bon. fusionnés avec l'esprit là en général, c'est ça l'affaire. C'est pas des gens qui ont une conscience multidimensionnelle. Fait que c'est ça, si tu goûtes à cette conscience-là, ben l'autre peut pas te recevoir intégralement parce que l'autre il vit pas ça intégralement. Tu sais, il vit plus au niveau Ben, il va psychologique. l'avoir vécu, mais d'une façon qui fait que il va avoir un. Il n'y aura pas d'empathie, au contraire, il va avoir une antipathie. Là, c'est dangereux. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé même une fois. Ça m'est arrivé une fois que j'ai été traité vraiment avec mépris par un peu du monde là, du personnel médical. Puis j'étais arrivé à l'hôpital en taxi en plus parce que je pensais que j'avais un problème au cœur, j'avais vraiment mal dans la poitrine. Puis j'avais peur, là. Puis j'avoir été traité tellement avec mépris par quelqu'un qui me connaissait de réputation par mon nom. Puis qui s'était. Moi, j'étais, là, tout ce qu'il y a ici sur Terre. J'ai fini par le comprendre par après. Que pourquoi qu'il avait été méprisant puis méchant de même avec moi. Cet infirmier-là. Mais. Il n'aide pas sa cause, lui. Il m'a tout le temps m'en souvenir. Mais il reste que. Non, tu sais, je veux dire, bon, ben, je suis dans une petite ville, mais mes parents et l'un des deux qui était un poste il y avait un poste en autorité. Du monde, peut-être, qui ont l'air un peu rigide, tu sais. Puis finalement, ben, t'as d'autres sortes de monde qui vont finir par taillir par association. Puis pour des raisons que, dans le fond, c'est même pas comme ce qu'ils pensent, là. Mais le mépris, là, Je me rappelle, là, cette fois-là, je m'étais dit avoir su, je serais resté chez nous. Puis j'avais peur d'être en train d'avoir un trouble cardiaque. Puis pourtant, là, avoir su, là, je serais resté chez nous. Que plutôt que d'y aller. Puis c'est là où ce que les ressources, une des bonnes façons, là, d'économiser, puis tout, là, c'est de faire en sorte que ta clientèle n'a pas envie d'y aller. Ben, c'est sûr Tu que vois ce qu'on juste. observe depuis plusieurs années au Québec, c'est les listes d'attente d'un CLSC pour des ressources psychologiques ou à l'urgence, ben, il y a des débordements, notamment en hiver. Fait que ça donne pas le goût des gens de se présenter à l'urgence. La difficulté à avoir l'accès aux médecins de famille qui perdure depuis plusieurs années aussi. Tu sais, c'est toutes des problématiques qui sont là. Puis avec la crise du COVID, coronavirus, c'est encore pire. Fait que ça va accentuer les failles qui étaient déjà présentes dans le système. C'est beau que le gouvernement dise, ah là, ils vont injecter des millions là, pour des gens qui ont des difficultés sur le plan psychologique. Mais on verra bien si ça va améliorer concrètement. Je suis assez sceptique par rapport à ça. Parce que ça se peut pas fonctionner. C'est pas, tu peux pas. C'est comme essayer de boucher des trous. C'est comme du patchage, là. C'est comme nos routes. Pas la même affaire. Sauf que là, ils patchent. Ils envoient un peu là, un peu là, un peu là. C'est pas une gestion intelligente. C'est des Exactement. trous à tirer puis à appauvrir les contribuables. C'est à ça que ça sert. Puis en échange, un système. Il n'y a pas d'allure, les histoires de conventions collectives à travers ça, puis les chantages, puis les. Non, il y aurait tout un ménage à faire. Puis il faudrait qu'on tombe dans un système qui est d'une transparence parfaite, qu'il n'y ait aucune décision qui n'est pas archivée au niveau de la façon dont on est arrivé à cette décision-là, puis qui était là, puis pourquoi. Tout pourrait être archivé. Il pourrait y avoir rien. Au niveau d'une décision gouvernementale qui est pas télévisée en direct tout de suite puis disponible sur Internet, on a la technologie Ben pour. oui, avec le Quand big il y a eu. data. Ben oui, quand il y a eu l'affaire des carrés rouges puis qu'ils sont allés négocier avec la ministre puis qu'elle lui pétait des crises puis elle perdait ses souliers. Pourquoi? Parce qu'ils négocient dans des bureaux. C'est en direct, là, à regarder ses souliers, elle. Puis les deux, les trois jeunes et tout, ils recalmaient le petit nerf. Parce que c'est à tout le monde un peu de mener qu'il va falloir que. Si on veut arriver à des résultats, que c'est tout le monde qu'il faut que le niveau monte un peu. Puis on aurait les moyens d'avoir une vraie démocratie qui n'a même plus besoin d'être représentative, que les lois ne sont pas votées par des représentants, mais votées par tout le monde qui a le droit de vote. Puis à chaque fois, puis toute l'information pourrait être transparente. Je veux dire, on a la technologie pour, avec Internet. On pourrait, là, c'est comme, on laisse pas de notes, puis tout. T'es même pas supposé n'avoir besoin de notes quand vous êtes à jaser, supposément que s'il y a rien à cacher, puis que tout est dans notre intérêt, ben, crime, filmez tout d'un bureau, puis que ça soit archivé, puis Ben c'est ça, disponible. c'est parce qu'il faut comprendre que les décisions importantes qui vont de l'impact pour les prochaines années au Québec sont prises présentement par des gestionnaires qui, lors de leur réunion, il n'y a rien qui, il n'y a pas de secrétaire qui prenne des notes, c'est pas Ben filmé oui, ni c'est rien. pourquoi? Pourquoi? Ben. Parce que c'est pas dans notre intérêt à nous autres, c'est dans l'intérêt de d'autres, c'est dans d'autres intérêts. Puis Ben c'est c'est là qu'arrive ça. la Ben un manœuvre. des intérêts pour eux, c'est de sauver la face. Parce que si une décision tourne mal, puis là, tu vas Ils vont en revenir à perdre de la. toute façon. Comment? À long terme, il n'y a pas personne de ce monde-là qui va avoir gardé une face. Ils vont tous payer pour, hein. Ah, on verra bien par rapport à ça, parce qu'il y a Ben déjà eu voyons. des crises dans le passé, puis il y a des gens qui ont participé à des crises, puis ils ont resté au pouvoir, ou... Tu sais, ils Ah, peuvent... non, non, M. Legault, là, c'est fini. Il sera pas, il n'y aura pas un autre mandat. C'est impossible. Puis quelque part, on dirait que ça fait partie de. Mais Il sait. en même temps, si on est en dictature depuis le 13 mars, le fameux vendredi 13, puis ça se perdure indéfiniment, peut-être un peu comme Poutine, je vais prolonger ça pendant être le chef pendant 30 ans au lieu d'un mandat de 4 ans, là, tu sais, je Ah, caricature, ben là, moi, mais. Poutine, là, moi, si l'avoir comme président, il peut être là à vie. J'ai rien contre Poutine, là, pas autant que C'est contre ce ça, mais qu'on a. ce que je veux dire, c'est que les règles changent. C'est-à-dire qu'en temps de C'est parce que dictature. un Poutine, il peut se permettre d'être un dictateur. Un Legault, il peut pas se permettre d'être un dictateur longtemps comme un Poutine. Pourquoi? Ça marchera pas. Parce qu'il n'y a pas le charisme pour, il n'y a pas l'intelligence tactique pour, puis il n'est pas entouré pour. Puis il n'y a pas. Tu sais, les cordes, ils vont par en haut, ils vont pas par en bas, Legault. Tu regardes les mains, les cordes, ils vont par en haut, ils vont pas par en bas. Poutine, les cordes, ils vont par en bas. Pas pareil, là. C'est ça peut être un dictateur longtemps parce que il a le talent pour. Il a de la prédisposition pour être un bon dictateur. C'est ça, mais tu sais, lui, il a mis en place, en Pas tout le cas, mot. je me rappelle pas exactement Poutine, mais je pense qu'il peut gouverner jusqu'en 2030, là. En tout cas, c'est loin, là, tu sais, il a prolongé la possibilité de Puis pouvoir longtemps. les Russes vont être. La majorité des Russes sont d'accord. Tandis que Legault, là, la majorité des Québécois ne seraient pas d'accord. Mais il y a un consentement tacite qui se fait présentement, dans le sens qu'il y a un adage qui dit « qui ne dit mot consent », qui fait en sorte qu'il n'y a pas personne qui a demandé la tête du gouvernement, même ceux de la mauvaise gestion de crise depuis plusieurs mois. Puis je te prédis même que ça va s'empirer dans les prochaines semaines, parce que certains parlent du « dark winter », c'est-à-dire l'hiver sombre, où on va entrer dans une période plus critique avec une augmentation des cas pour janvier, février, mars. Puis je te prédis que ce gouvernement-là risque d'être encore au pouvoir au mois de mai. Ben là, c'est sûr qu'ils vont être encore au pouvoir au mois de mai. C'est C'est ça. sûr, sûr. Moi, je parle, il peut pas être à long terme, là, comme Poutine. Mais c'est sûr qu'il va être là à moyen terme. Tant que son affaire n'est pas finie. Parce que là, lui, il a une job à faire. Il est en train d'en faire comme il faut. Après que le chemin va avoir été fait, puis tout, là, c'est un autre qui va avoir la job. Puis c'est tout choisi d'avance. Mais lui, il est fini, là. De toute façon, c'est après ça, lui, c'est sa retraite de ce côté actif-là. Comme tu sais, t'en as, ils peuvent se permettre de temps en temps, ils vont faire une sortie, puis revenir faire, leur essayer de donner, de se servir encore de leur influence, Ben comme oui, ben Parizeau, il revenait dire comme on a vu son Lucien, tu opinion, sais, puis Lucien tout ça. Bouchard qui a mis les infirmières à la retraite, puis dans la santé, il a créé beaucoup de dégâts, puis par la suite, il est revenu sur la scène publique pour essayer de Ben, nous pour vendre ça, ils l'idée que vont ça dire. serait bon à C'est les... parce que les Québécois, vous êtes pas, vous voulez pas C'est travailler, puis ça, il vient blablabla. de faire C'est la pas pantoute de morale. comment qu'on est géré, C'est hein. ça, il vient de faire C'est la pas les morale. gestionnaires, c'est Ouais. en bas de. Hey, lui, là. Ouais, c'est ça, il vient de faire la morale comme de quoi que les Québécois sont paresseux. Ou il était venu pour faire la promotion de l'exploitation des gaz de schiste ici au Québec, il y a Ben, quelques c'est un années. lobbyiste, Lucien Ben, Bouchard. c'est ça, Ah, exactement. lisse. C'est. Tu sais, là, à un moment donné, quand je dis ça, des lobbyistes de ci pis de ça. Voyons, là, c'est, je veux dire, dès qu'ils sortent de la politique, ils retournent sont avocats pour tel film, puis tel. Ah, là, je suis quand même. Moi, les Québécois, dans le fond, je pensais jamais un jour avoir aussi honte de faire partie de l'humanité, carrément. Ben moi, la honte a augmenté depuis le début de la crise parce que avant ça, bon, j'avais une certaine fierté d'être Québécois. Puis à mesure que je vois que les gens, ils se font embarquer de même par des mesures qui n'ont pas d'allure, puis que ça, y a rien qui change depuis plusieurs mois, puis ça s'en va en s'empirant. Ben moi, c'est bien parce que ça m'a guéri de justement de ma tendance à vouloir m'associer au Québec. Ben, c'est drôle, parce que, mettons, quand j'avais 12-13 ans, j'étais bien nationaliste. Puis, la honte que j'avais pour les particularités du Québec a grandi, puis mon nationalisme est parti. Puis, j'ai commencé à venir en colère, puis à considérer que le Québécois, il n'était pas juste colonisé, il était consentant. Puis qui avait tout, tu sais, il est lâche, puis rien que j'ai pas envie, moi, de faire partie de tout ça. Ça m'intéresse pas tellement que ça m'est individué. Puis aujourd'hui, ben, il y a plus rien qui marche. Il y a plus personne qui pourra tenir aucun discours. Pour moi, premièrement, c'est tout un simulacre. Une fois là, que j'ai fini par voir le côté, comment que ça marche, le parlementarisme britannique, puis comment que c'est fait. Puis, il n'y a aucun parti qui peut avoir de la crédibilité. Il n'y a pas aucune instance dans notre pays qui a de la crédibilité. On vient que tu te ramasses, tu te dis, tu es totalement tout seul, puis le plancher est apparent à mesure qu'on se met le pied en avant, puis on regarde, puis on en apprend tout le temps, parce que c'est tout le temps. Moi, c'est pas de. J'ai même de la misère à comprendre. Le monde s'est dit, ah, ben, un éveillé, ou lui est éveillé. Pour moi, le summum, c'est. L'évolution, c'est que tu te rends compte que tu dors de plus en plus. C'est pas. Moi, c'est d'avoir perdu confiance en tout ce que je croyais, un après l'autre, la colère, tout ce qui était. Puis de perdre espoir totalement, mais pas de désespoir, mais de j'ai plus confiance, j'ai plus d'espoir. Puis aujourd'hui, je suis d'une situation que je vois qu'il y a des gens qui sont très affectés psychologiquement par tout ça. Puis même des gens que y avait l'air bien, bien solide, puis qui sont très affectés, puis tout. Puis moi, ça me fait rien. Des fois, je me dis, je l'ai tellement souhaité puis considéré comme nécessaire la chute de cette société-là. Je ne sais pas ce qu'il va avoir après ou s'il n'y a pas d'autre façon, s'il n'y aurait pas une façon plus douce, plus, tu sais, de faire ça, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Puis c'est pas dans le sens que je suis pour les forces Mondialiste. anti. Mais je sais que ces petites forces insignifiantes-là font partie d'un plan plus grand qui leur échappe, que les forces sont encore plus grosses, plus fortes. Puis que c'est pas nécessairement nous autres qui va se faire. Il va y avoir un tri, il va y avoir une sélection. Puis c'est peut-être ceux qui l'opèrent qui vont être la cerise sous le sundae de ça. Puis, parce qu'à un moment donné, vers la fin, ben, ceux qui vont rester, ben, peut-être c'est eux autres qui vont finir le tri. Puis il y a du monde, ils vont se ramasser en prison ou ils vont peut-être avoir des tribunaux militaires, on ne sait pas. Si dans 10 ans, il y a des tribunaux militaires aux États-Unis, puis que Joe Bidon, là, les enquêtes Joe Bidon, il se fait fusiller, il y en a, ils vont dire, jamais j'aurais cru voir ça. Ben oui, mais on fait rien que ça, voir des affaires que jamais t'aurais cru voir. C'est tout le temps Ben, le même. des élections qui sont bidons, là, on en a vu cet automne, cette année 2020. Puis là, c'est sûr que le suspense serait à savoir est-ce que c'est Trump qui va réussir en faisant des démarches juridiques là, à faire reconnaître il y avait des anomalies dans les élections, de la fraude électorale, puis rester en poste, ou c'est Joe Biden qui va être élu au mois de janvier? Ce qui a créé les États-Unis, c'est une guerre civile. Oui. Ah! Ils ont peut-être dû pour une autre guerre civile. Pourquoi pas? Puis c'est à côté, là. Peut-être qu'on est dû aussi. Moi, j'ai tout le temps voulu assister à des procès militaires, genre après coup, mais des vrais, là. Pas une affaire de façade, puis. Avec la technologie qu'on a, on va peut-être pouvoir avoir justement du plus solide. Mais dans combien de temps? Qu'est-ce qui va arriver? Puis pourquoi? La seule chose que je suis sûr, ça va être intéressant. Mais je veux dire, même quand c'est comme moi, quand j'étais petit, j'allais chez le dentiste, même si ça faisait mal, je trouvais ça intéressant. C'est un peu la même chose. Ça sera pas le fun. C'est sûr que je souhaite pas ça, qu'il y ait une guerre civile aux États-Unis, mais Ben, moi présentement, non les camps plus. sont tellement polarisés entre les démocrates et les républicains, puis avec les réseaux sociaux qui font en sorte que, par exemple, quelqu'un se fait tout le temps relayer des articles qui vont dans le sens de qu'est-ce qu'il pense pour le garder en ligne. Tu sais, il y a toute une dynamique avec des algorithmes qui fait que si quelqu'un est républicain, tu le renforces encore plus avec d'autres articles pour qu'il aille plus dans le même Dans le sens. fond, c'est pas de discréditer les républicains ou les démocrates ou quoi. Non, c'est d'accentuer une polarisation. Puis Exactement. c'est pareil pour l'Europe. Je veux dire, ils veulent une guerre civile en Europe. Ils ont tout fait pour ça, ils font tout pour ça, et on dirait qu'ils veulent ça. Ben, Puis je ça pense que pourrait c'est être ça aussi. avantageux pour les forces mondialistes pour se présenter ensuite comme étant les sauveurs qui vont ramener l'ordre et la paix dans l'humanité. Parce qu'une guerre civile, admettons qu'on la commence, c'est bien, bien, bien facile à partir puis à entretenir, mais c'est bien, bien difficile à arrêter. Puis c'est bien difficile à contrôler. Fait que des fois, ça revient à Séraphin qui rentre dans la maison puis qui va mourir dans sa maison. Ça peut être possible. Je veux dire, puis ils veulent sauver. Ils pourront pas se sauver eux-mêmes, peut-être. Parce que quelqu'un qui. J'ai remarqué ça souvent, les gens qui sont très, très prédateurs au niveau d'un intérêt, on dirait qu'ils n'ont pas le discernement de leur vrai intérêt. Il y a du monde, ils vont détruire leur vie pour quelques milliers de dollars. Puis j'ai l'impression d'en faire à ce type d'animaux-là qui n'ont pas de Ben, il y a un discernement. aveuglement lié à l'orgueil. Tu sais, la personne, elle Ben veut oui. tellement avoir raison que finalement, elle va surinvestir dans quelque chose, puis elle va faire une Ben, je vois crise pas ça comme cardiaque. ça. Non? OK, moi. Ben, je parle de monde ben en haut. Ils veulent pas avoir raison. Parce qu'ils savent qu'ils ont tort. Ils veulent qu'on leur donne raison. C'est pas pareil. Nuance. Quand tu sais que t'as tort. Ouais, c'est un peu comme un violeur. Admettons, là, la madame est en train de se faire violer, puis elle dit, c'est pas correct, qu'est-ce que vous faites? Mais il sait. Le fait qu'elle a raison, elle, ça change rien. Il s'en fout, il sait qu'il a tort. Il va continuer pareil. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui va le ramasser par le collet, puis qui va le sortir de là, puis dire, toi, ça fait, c'est fini. Là, tout d'un coup, c'est d'autres choses. Fait qu'on a du monde que. Ils ont tellement la peau du gain, puis le besoin de pouvoir, puis le besoin de reconnaissance fort, qu'ils ne voient pas qu'ils sont leurs propres victimes, puis ils vont tous se faire passer au cash. Il y a du monde qui vont se faire tuer par la population. Je veux dire, j'ose même pas croire ce qui pourrait arriver. Mettons, il y a une émeute en France, puis il y en a un qui, justement, il n'est pas dans Rialto. Je ne sais pas, il y en a un du cabinet qui décide qu'il va parler à pas. Puis là, il y en a une couple qui décide de descendre de l'estrade, puis que. Ils sont assez inconscients pour ça. Oh oui, ben on a vu qu'est-ce qu'il y a eu avec la Révolution française où des gens de l'élite ont été passés à guillotine par le peuple. Puis on voit à quel point il était irrationnel. C'était du monde irrationnel. Tu regardes Robespierre, son culte de l'être suprême qui était supposé être quelque chose de plus avancé que la religion catholique, ça avait des côtés antiques. C'était plus arriéré encore que le christianisme. C'est tout. Je veux dire, on dirait le monde ne voyait pas ça. C'est. Souvent, quelqu'un, il va arriver, il va dire, ben, nous autres, on va établir. Ben oui, mais alors, c'est comme leur histoire là, de mondialistes qui se posaient sauver la planète, puis tout. C'est pire qu'un système féodal. C'est pire que le. C'est. On essaie de nous faire passer pour des avancées, des reculs. Ben, c'est ça, c'est parce que Great Reset, la particularité, un peu comme les autres dictatures, que ce soit le nazisme, le communisme, il y a un bel arrobage, tu sais, on fait miroiter des belles choses, tu sais, comme dans l'Allemagne nazie, on disait aux gens, ça va régler le chômage, va avoir du travail, ça va relancer Ben, ils l'ont l'économie parce qu'il y fait. avait un problème de dette. Ils l'ont fait. Même chose pour le Great C'est ça Reset, l'affaire. ils vont relancer l'économie, sans doute en mettant en place des programmes sociaux et autres, mais ça va déposséder les gens, entre autres, de leur entreprise privée. C'est qu'on va avoir une solution qui sert d'appât à court terme, par une vision à court terme, tandis qu'à long terme, on est le poisson. Exactement. Puis c'est là que l'espèce de capacité de. Si la population en général n'est pas capable collectivement de se projeter à si long terme que ça, puis de se concerter, il y a d'autres forces qui sont pas psychologiques, puis qui sont au-delà des masses, qui sont plus individuelles, qui vont prendre le relais. Tu vas tout le temps en avoir qui vont avoir la vibration de faire de quoi. Parce que la nature, c'est des lois. Puis on dirait que. Comment je pourrais dire ça? J'ai remarqué ça, le monde extrêmement bon va attirer du monde malsain. J'ai souvent vu ça. J'ai vu ça dans le communautaire, le monde trop fin. Puis c'est comme il va tout le temps avoir une charge positive-négative, puis avoir Rééquilibrage un. énergétique de la polarité inverse. Ouais. C'est pour ça que plus ça va mal, ou plus ça va mal en apparence, ou plus ces forces-là ont l'air. Puis plus on est peut-être proche d'un revirement. C'est pour ça que c'est bien. Puis j'ai pas plus de certitude qu'un autre. Ben oui, j'ai plus de certitude parce que je suis quelqu'un de pessimiste. Puis de. Moi, je suis sûr que ça va aller mal. Puis je suis sûr que ça va être le fun aussi. Oui, ben, C'est. dans le fond, moi, je dois dire aux gens que je suis tempérament aussi un peu comme toi, pessimiste à la base. Fait que c'est sûr que si on est deux pessimistes qu'on se parle, ben, sachez qu'on a ce biais-là, là, pour les gens qui nous écoutent, là. Donc, ça peut servir à équilibrer des gens qui ont des excès d'optimisme et de naïveté. Ben, c'est comme, tu sais, il y a quelques semaines, quand je dis, il n'y en aura pas de Noël, il va annoncer qu'il y a le Noël. Puis je me faisais dire, oh, toi, tu fais tout le temps des projections. Puis je dis pas des projections, c'est de la déduction. Je suis sûr. Puis t'as-tu d'autres Tu déductions? fais tout. Ouais, t'as-tu d'autres déductions pour Oh. les prochains mois de qu'est-ce qui va arriver avec le scénario dans lequel on nous projette? Ben, c'est un peu comme l'affaire là, que le bye-bye. Moi, je suis pas surpris que. Je veux dire, c'est une autre affaire qui fait partie d'une tradition puis qui est rassembleuse au Québec. Puis, de toute façon, le bye-bye, c'est rendu comme le reste. C'est un procès. C'est rendu des procès. Dans le sens que c'est une façon de régler nos comptes. Avant, tu avais le peuple qui réglait ses comptes dans le bye-bye avec les autorités. Puis là, à cette heure que c'est rien que la subvention, les artistes, puis que c'est rien que. Puis que Radio-Canada, il n'y a plus le côté. En tout cas, le côté. En tout cas, la revue. Radio-Canada français avait un côté plus. Tu sais, comme dans le temps d'Olivier Guimond, le bye-bye qu'il y avait eu, puis tout. Mais à cette heure, au lieu d'être le peuple qui règle ses comptes avec les autorités, c'est rendu les autorités règlent leurs comptes avec le peuple. Tu es tout seul à trouver ça? Ben, Que c'est une c'est vrai. revue de l'année où justement les comédiens font, puis les numéros ils font plus attention parce qu'il y a eu des poursuites dans le passé. Ben voyons. Ben oui, il y a eu des poursuites, puis là. Ben oui, mais faut que tu gagnes ta poursuite. S'ils ont-tu gagné les poursuites dans le passé? Tu sais, ça sert juste de prétexte là, à vouloir imposer un politiquement correct qui fait que tranquillement, on bâillonne de plus en plus. Ouais. Puis tranquillement, les artistes et les journalistes conduisent de plus en plus, c'est des putains. C'est comme des courtisanes qui se font entretenir par leurs amants, qui est le gouvernement, qui est le regroupement de Sipitsa, qui était le groupe de. C'est comme des courtisanes qui se font entretenir par des amants. Que c'est le gouvernement, des lobbies, des ci, des ça. Fait que là, moi, tu sais, dans le thème, c'est comme au 19e siècle en France, il y a du monde qui considérait que. Une actrice puis une prostituée, c'était pas mal pareil. Parce que dans le temps, tu sais, dans le temps qu'il y avait la mode des opéras, toutes ces affaires-là, c'était léger pas mal comme milieu. Puis il y avait des revenus d'appoint, maintenant. Ben là, moi, je commence à trouver que les artistes, pas mal ça. Ça ressemble à. Ça va plus loin que la trahison, parce qu'il y a quelque chose de vilissant d'agir de même. Il y a quelque chose de dégradant d'agir de même. Ça ressemble vraiment comme des putains. Il y a quelque chose de. Ben, dans un sens, on va dire les artistes vont vendre leur âme au diable Oui, c'est en ça. répétant le discours officiel sans faire preuve d'esprit critique, puis en étant tout simplement des relais d'un conditionnement social. C'est de la corruption au sens de l'art, mais vraiment de la corruption, mais de tous les niveaux que ça implique. Puis je regarde ça. À un moment donné, ça un addon comme ça. J'écoutais, je pense que c'était Claude Meunier, puis il parlait de ses personnages La Petite Vie. Oui. Puis à un moment donné, il parlait de son papa. Puis il dit, tu sais, papa, dans le fond, lui, il est comme, c'était un extrême droite. Puis là, je checkais ça, j'ai dit, OK, papa, c'est l'extrême droite, papa. Là, je me dis, j'ai commencé à réaliser que ce gars-là, Claude Meunier, il est pas dans la réalité, là. Ben Il l'a non. jamais été. Puis il est jamais sorti de sa petite troupe. Parce qu'aller sortir en affaire, il faut vraiment être déconnecté. Parce que si papa il est extrême droite, moi je dois être le yob en personne. Parce que moi je le trouve, je veux dire, c'est du monde, c'est une caricature de du monde normal. Ouais, non, c'est ça. Mais de toute Si on dirait qu'il haïsse ouais. le monde, crime, j'ai l'impression qu'il haïsse le. J'ai l'impression que la classe moyenne québécoise est haïe, est méprisée. Ben, il y a des Elle est forces qui méprisée par veulent. ses artistes, par ses C'est ça. politiciens, par ses Puis là, présentement, intellectuels. tu as des forces qui, de plus en plus ouvertement, cherchent à la détruire. Tu sais, Oui. avec la crise présentement, on détruit les petites et moyennes entreprises. Puis qu'est-ce qui va rester des gens très pauvres ou les multinationales, des GAFA, Google, Apple, Facebook? On se dirige vers ça, là, dans les prochains mois, les prochaines années, si la tendance se maintient. C'est ça a quelque chose d'un mépris, puis c'est plus que de la haine, c'est moins que de la haine, c'est comme une sorte de mépris dédaigneux. Je le sens comme ça. Puis c'est pour ça, moi, c'est rendu que les politiciens ou les intellectuels ou les artistes ou moi, je suis plus capable de lire de fiction, je suis plus capable de m'intéresser à rien qui est lié à l'art, je suis plus capable d'écouter aucune musique, je suis plus capable. Ça me pue tout au nez. C'est rendu que tout ce que j'aimais plus jeune, tous les gens que j'admirais, j'ai trouvé horrible. Ils se sont, on dirait qu'ils ont, dans le fond, c'est jamais ce que je pensais, c'est tout le temps des masques, puis en arrière, c'est rien que de la pourriture. Puis, tu sais, je dis pas ça, genre que c'était bon. Mais tu sais, je veux dire juste, Denise Bombardier, moi, je suis tellement déçu. Depuis les dernières années, j'en reviens pas. Je veux dire, c'est quelqu'un que je respectais beaucoup. Ah ben tu vois, moi à Qui... la base, j'étais pas à l'aise parce que je la trouvais trop maniérée dans sa façon de parler, puis Bon, tu... bon. Regarde, elle était la blonde de Lucien. C'est normal qu'elle se manière un peu, là. Puis elle se prince bien. En tout cas, à ce temps, je vois ça comme ça. Puis je me dis, bon, ben, moi, je elle trouvais qu'il y devait avait me un dire orgueil en tant que intellectuel titre. derrière cette Bon, oui, personne-là ça, c'est qui me évident. la rendait indigeste. Mais je l'aimais pareil parce OK. que elle dénonçait les processus sophistiques au niveau de l'argumentation dans les débats. Puis elle amenait des choses, des fois, qui. Oh, oui, c'est vrai, il faut le Oui, mais c'est faire, parce hein. que je C'est pense. Pa... complètement rendu le contraire, Oui, mais là. c'est ça, c'est parce que C'est. je pense au. Parce que, tu sais, il y a des articles qu'elle a écrits là, depuis le début de la crise. Puis il y en a une, je pense, à planter Alexis Cossette ou en tout cas, planter Elle des tout gens, puis elle les fait rire. traitait de complotistes, puis il n'y avait aucun Oh, elle argumentaire. était dans. Non, non, elle était dans l'insulte. C'est ça, elle était dans l'insulte puis dans l'attaque personnelle. Ça, c'était sophistique au bout. Je veux dire, même, on est plus que. C'est de la malhonnêteté intellectuelle totale. Puis même, il y avait. C'est comme il est écrit, à la fin, il va y avoir des méchants puis des moqueurs. Puis même là, Josin, il dit, ouais, mais sont où les méchants et les moqueurs? Ben oui, mais check les chroniques du Journal de Montréal, si tu les vois pas, tu es aveugle, là. Moi, je vois rien que ça à cette heure, des méchants puis des moqueurs. Ben, c'est sûr que, comme je disais à ma mère, j'ai dit, t'es pas tanné de payer pour le Journal de Québec, qui est la prolongation du Journal de Montréal, ou que des gens vont traiter, si tu penses pas comme eux autres, t'es covidiot, t'es conspirationniste, puis ces gens-là, en plus, sont subventionnés à coups de millions par le gouvernement. Fait que non seulement toi, tu payes de ta poche directement pour le journal, mais indirectement, à chaque fois que tu payes tes impôts ou tes taxes, les finances, pour dire que si tu penses pas comme eux autres, t'es un imbécile, puis tu te fais injurieux par un paquet de mots comme ça, puis il n'y a jamais d'argument qui est derrière ça pour expliquer la logique. Tu sais, c'est pas un débat d'idées, là, c'est des attaques personnelles. Non, on est dans le marché d'opinion, puis c'est juste de l'opinion tout le temps. C'est pour ça qu'on a plus de chroniqueurs que de journalistes à ce temps. C'est ça, mais tu sais, c'est particulier. Tu as des gens qui payent de leur poche pour avoir accès à des journaux ou accès au câble, puis ils vont se faire traiter. Ils vont se faire ridiculiser ou dénigrer s'ils pensent pas comme le média. Oui, mais ça a tout le temps été, c'est comme dans le temps, c'était pour, au lieu d'être les médias, c'était les Dominicains, puis ils traitaient d'hérétiques. Puis, tu sais, c'est le même principe, là. C'est, je veux dire, c'est la même chose, que quand tu traites quelqu'un de covidiot, de complotiste, il n'y a plus de débat possible. C'est une sorte de point Godwin. Fait C'est ça, là. mais de regarder qu'il y a des gens qui entretiennent ça, c'est comme la personne qui est victime, qui entretient son bourreau, puis elle Mais c'est là finance. qu'on voit la malhonnêteté. Intellectuels de ces gens-là. Parce qu'ils vont rester dans ils peuvent pas se permettre d'arriver dans l'argument. Et tout de suite. Puis le pire, c'est que ils vont tenir le discours contraire. Comme je n'ai vu un il n'y a pas longtemps qui disait, il dit, les complotistes, ils veulent rien savoir de débattre avec nous autres parce qu'on les démonte en 5 minutes. Puis je regardais ça, je dis c'est complètement faux, c'est le contraire, moi, que je vois. Il n'y a Moi aussi. personne qui va inviter. Il y en a qui sont taxés de complotisme mais qui n'en sont pas, puis qui se défendent très bien, ils les inviteront jamais. Parce que Exact. là, on va constater que c'est le contraire. C'est eux autres qui vont se faire démonter en 5 minutes, c'est pas long, là. Avec les chiffres du gouvernement, tu fais une règle de trois, puis on voit bien que ça ne marche pas. Puis là, en plus, je pense que c'est. La santé publique là, au Québec, ils sont en train de. On voit qu'ils ne marchent pas avec le gouvernement, puis dans le quelque part, ils ont peut-être. Il y a un conflit d'intérêts qui fait qu'ils ont. Ils n'ont pas le choix là, de le dire. Dire c'est 90. Je pense que c'est quoi, 97% de faux positifs. Ben en fait, c'était 97 %, puis je pourrais partager l'article en bas, qui sont décédés du coronavirus, que c'est de la Ouais, c'est comorbidité, c'est ça. pas juste du coronavirus. Puis ça, c'est Fait l'Institut que là. national de la statistique du Québec, c'est l'ISPQ, fait que c'est vraiment OK. les chiffres officiels. Puis Bon, comme... ça veut dire qu'eux autres, ils ont Ouais. posé. Ils continuent à faire leur job comme il faut. Ouais, ça, il faut leur donner l'indépendance, puis qu'ils tiennent le cap depuis le début de la crise. Par rapport aux statistiques liées au décès, puis l'âge aussi, tu sais. Fait que là, eux eux autres, ils tiennent leur bout à ce niveau-là, mais le gouvernement prend pas ça en considération lors de ses décisions. Maintenant, c'est là qu'on voit que bon, c'est complètement autre chose, c'est complètement pour d'autres raisons. Exactement, mais je voulais t'entendre quand même sur l'agenda que tu vois par rapport aux prochains mois, les prochaines années, que derrière la crise qui est un prétexte pour mettre en place l'agenda, entre autres mondialiste, comment tu vois que ça va évoluer? Comme ça, de demain, je ne pourrais pas dire. Je suis juste certain qu'on va avoir des conflits militaires. Moi, c'est ça qui m'inquiétait depuis longtemps. Je m'attendais à ce qu'on ait une crise économique, mais que ça soit prétexté par un conflit militaire avec l'Iran. OK. Je me suis jamais attendu à tu sais, l'affaire, le scénario de la pandémie, je l'ai tout le temps vu comme il servait à faire peur et à justifier des budgets. Mais j'ai jamais pensé que, à cause justement de l'échec de d'autres épidémies là, dans le passé, que ça n'avait pas vraiment fonctionné comme le monde n'a pas embarqué, j'aurais pas cru que c'est ça qu'il allait faire. Je ne m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais à un conflit armé avec l'Iran. Puis au Moyen-Orient, que ça aurait commencé là, le conflit, puis ça se serait déplacé après ailleurs. Ça serait devenu un conflit mondial. Mais là, Ah je ben ce commence à me dire. scénario-là est toujours possible en parallèle avec la C'est ça. pandémie. Tu sais, il y a le scénario aussi entre Israël et la Palestine, un conflit qui dégénère. Ouais, ce serait entre Israël puis d'autres D'autres pays peuples là, comme voisins le là. Liban, puis bon, on Ouais. passe les Palestiniens. Tu sais, je veux dire, en tout cas, à part envoyer des roquettes vendues par d'autres, puis la Palestine n'est pas de taille. C'est une guerre de relations. Ralentit ça, puis que là, ils ont sorti une pandémie à la place. Parce que lui, il voulait pas faire de guerre. Fait que là, c'est peut-être. Mais là, tu avais Fauci qui disait oh, pendant le mandat Trump, il va y avoir une pandémie. Pourquoi il dit ça, là? Ben, Il avait dit ça, qu'il y aurait une oui. pandémie, puis je pense que c'est il y a 3 ans, Ouais. pendant l'ère Trump. Puis là, ben, voyons, là. Puis là, après, quand il y avait eu, quand ils ont envoyé un porte-avions en Iran, puis je voyais les démocrates qui sautaient de joie, là, ils étaient tout contents parce qu'ils pensaient que Trump allait entrer en guerre avec l'Iran. Là, je regarde ça, je me dis non, lui, non. Il est pas fou, il feint de. Il fait semblant de. Puis finalement, ben, quand il y a eu la pandémie, puis tout, je me suis dit, c'est peut-être un plan B. Parce que. Mais là, c'est sûr que. On ne sait pas. Moi, je ne le sais pas plus qu'un autre. Tout ce que je sais, c'est que ça ne m'inquiète pas. Puis je me sens pas en Ben, danger. ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ça se peut que tu ne te sens pas en danger individuellement par rapport au coronavirus. Sauf que le point, Général. oui. Sauf que le En point, général. c'est qu'on va se ramasser sans doute dans les prochains mois et prochaines années dans une société appauvrie. Le niveau de vie va sans doute être dégradé. Donc, Ben moi, ça peut avoir l'air bizarre, oui. mais je me suis tout le temps préparé à ça. Dans le sens que je suis pas quelqu'un je mange jamais à ma faim. Je me suis conditionné toute ma vie à manger le moins possible pour avoir un métabolisme qui rentabilise beaucoup. Puis j'ai tout le temps pensé qu'on vivrait quelque chose dans ce genre-là. Mais je ne savais pas quelle forme ça prendrait. Mais quelque part, moi, plus plus la situation elle devient inquiétante, puis plus je me sens pas en danger, mais c'est le contraire. J'ai l'impression qu'on s'en va vers un monde où je vais être plus adapté que maintenant. Puis que je me suis tout le temps senti un peu au dépourvu dans le passé. J'ai tout le temps senti un peu que j'aurais tout le temps plus de difficultés à réussir à m'adapter, puis à tirer mon épingle du jeu. Puis plus ça va, plus j'ai l'impression que c'est le contraire. Puis plus ça va, plus je suis en confiance. J'ai moins peur de l'avenir qu'avant. Parce qu'il s'assombrit. Mais je parle de l'avenir du collectif s'assombrit. Oui, ben c'est Mais sûr que pour l'individu. dans ton cas, si tu as vécu des chocs de vie importants avant la crise, puis tu es habitué de faire face à l'adversité, ça ne sera pas le même vécu que tu vas avoir dans les prochains mois, que la personne a toujours été bébé gâté, puis a toujours eu ce qu'elle voulait, puis dans une abondance financière importante au Québec. Oui, ben, il y a aussi que, bon, j'ai une maman qui est âgée, puis que je m'inquiète pareil pour des proches, comme tu sais, je veux dire, j'ai quand même de la famille, puis c'est pas tout du monde qui... En tout cas, fait que d'un autre côté, oui, j'ai de l'inquiétude, mais pour d'autres. Mais c'est comme là, on a dans la famille, là, il y a des bords, il y a déjà un petit enfant qui va venir au monde bientôt, puis tout, puis c'est pas le temps, là. C'est pas le temps de faire des enfants. Puis je me dis, ouais, au niveau de l'entourage, puis du contexte, là, je suis plus inquiet. Mais par rapport à moi, je suis rendu à un point que, tu sais, si j'ai à crever, je creverai, puis je m'en fous. On verra. Je le sais pas. J'arrive même pas à l'envisager comme ça. Bon, du coup, les... Puis même là, j'arrive pas à m'inquiéter. On essaye tellement de... Même le grand reset, là, je trouve que ça a l'air d'une menterie, dans le sens que on nous menace avec... comme un objet contondant énorme, parce que on a l'intention que ça passe mieux quand finalement on va recevoir un coup de règle. Puis qu'on nous menace avec une batte de baseball, que le grand reset, c'est comme une menace comme avec un batte de baseball, puis c'est pour mieux faire passer qu'on va recevoir des coups de baguette. Oui, ça peut être une tactique de manipulation, un peu comme par exemple la négociation salariale entre un syndicat et l'employeur. Le syndicat peut demander pour les employés 30 $ de l'heure, alors qu'en réalité, il veut avoir 25. Puis l'employeur peut dire on va donner 20 $ de l'heure, puis le point d'entente entre les deux, c'est 25. Puis à la base, il voulait 25, mais il faisait miroiter 30 pour que la pilule par la suite soit plus facile à avaler. Ben oui. C'est comme tu sais, les marchands d'étoffes du Moyen-Orient, là, ils mettent tous les prix trois fois ce qu'ils veulent au fond. Parce qu'ils veulent négocier. Et ils se lèvent de la marge. Mais je vois ça un petit peu pareil. Le gouvernement, ben, peut-être qu'il a peur que s'il nous arrive, je parle pas de notre gouvernement, mais la gouvernance, que s'ils arrivent avec leur baguette, que là, à un moment donné, tous les peuples se lèvent en même temps, tandis qu'elle est peut-être nécessaire, la baguette. Mais pour qu'elle passe mieux, ben on va faire miroiter un bat de baseball inacceptable. Mais une fois que... Mais même là, je pense pas que ces gens-là soient aussi... à mes yeux, ça, c'est une possibilité. Ils sont peut-être bien plus intelligents que ça en a l'air. Mais je pense pas. Puis je pense que de toute façon, ils se foutent de ce qu'on pense. Puis que ça n'a pas besoin d'être intelligent en apparence pour eux autres. On est vraiment dans un jeu de domination, que c'est, ça n'a plus d'importance, ça n'a plus les mêmes... Les choses n'ont plus les mêmes importances. Ben, ils ont un souci quand même des gens avec le grand reset, parce que tu sais, il y a 17 objectifs globaux, puis c'est vraiment fait pour séduire les masses, puis c'est super inclusif, ils vont éliminer la pauvreté, ils vont pauvres. Permettre... Pour séduire les masses pauvres. Moi, je séduis... Ah, ben la bonne conscience même si je suis pas riche, ça me séduit pas, moi. Oui, mais la bonne conscience des Occidentaux vont dire, grâce à leur programme, ils vont réduire la pollution atmosphérique... ensuite, un plus grand accès à l'éducation, la justice, l'équité, puis il y a toutes sortes de choses, là. Mais tu as raison, j'ai l'impression que ça s'adresse plus aux pauvres qui ont plus à gagner que les gens qui sont relativement aisés. Ben là, des sociétés comme la nôtre, on a tout à perdre. Mais au Burkina Faso, puis... tu sais, je veux dire, en Uruguay, ils ont tout à gagner d'embarquer là-dedans. Des pays, ils ont tout à gagner. Puis quelque part, ben, ils ont déjà été conditionnés à l'idée que c'était la seule gouvernance qui a de l'allure, c'est ça. Tu sais, un peu comme les sandinistes dans le temps. Puis ils sont déjà dans l'idée, ils ont déjà cette vision-là de la justice sociale puis de l'équité. Puis ils n'ont pas eu des modes de vie peut-être plus bourgeois un peu. Puis dans le fond, ça, c'est nos défauts. Nous autres. En tout cas, de toute façon, la seule chose que je suis certain, c'est que il va y avoir, tu sais, je veux dire, une période sombre. Mais c'est sûr, mais Il faut faire avec, je trouve pas. La nuit, ça fait partie du jour. Oui, puis ordo ab chaos, c'est-à-dire du désordre peut générer un ordre nouveau. L'ordre par le désordre. C'est parce qu'au sens où, moi j'ai vu ça, c'est tout le temps comment diviser pour régner. C'est un petit peu ça, ordo ab chaos. C'est genre, je te crée un chaos en apparence, mais qu'il est mon ordre à moi. Puis personne qui est dans mon ordre voit que c'est. Mais d'un autre côté, là, Ben, la l'ordre par tactique le désordre. problème, réaction, solution, c'est Tu sais, ça. c'est comme Oui. la liberté, c'est l'esclavage, puis dans ça, on est dans des niaiseries de même, là, des formes comme ça, ordo ab chaos. Oui, dans un sens, ça peut être une forme quasiment comme celle décrite dans la dystopie de George Orwell, 1984. Tu sais, je veux dire, ordonné par le chaos, ça veut dire qu'il y a une polarité, puis que le monde qui gouverne, puis le monde qui sont gouvernés, c'est ça, ordo ab chaos. Tu peux pas ordonner par le désordre, ou dans le sens que, à moins que ce soit un contexte que tu as créé. Ben, c'est ça une opposition contrôlée, dans le C'est sens ça. que la tactique aussi, sinon problème, réaction, solution. Donc le problème qui crée toute pièce, ah, le virus est méchant, puis mettre l'emphase sur la dangerosité, pour ensuite la réaction du peuple. On veut des mesures strictes, on veut être encadré, on veut une dictature sanitaire. Ben, implicitement, ça veut dire on veut une dictature sanitaire. Si les gens demandent plus de mesures gouvernementales pour encadrer les comportements, ben c'est ça. Puis eux autres, ils donnent ce qu'ils voulaient à la base, qu'ils soient mis en place, c'est-à-dire des mesures strictes pour encadrer la population mondiale. Puis eux autres, ils se donnent bonne conscience en disant, ah, on fait ça pour le bien de l'humanité puis la survie. Puis c'est sûr que dans un certain point de vue écologiste, bien, les gens vont dire, si on réduit pas les gaz à effet de serre, c'est toute la survie de l'humanité qui est menacée. Fait qu'on va mani ça revient à dire, c'est comme justifier de manipuler les gens pour diminuer les gaz à effet de serre puis mettre un agenda collectif, parce que sans ça, l'humanité survivra pas. On est rendu à un point où ce qu'il y a des jeunes gens qui ont choisi de ne pas avoir d'enfants pour des raisons écologiques, puis on s'en va vers des jeunes gens qui vont se suicider par idéologie. Mais s'ils veulent réduire la consommation puis la création de gaz à effet de serre, Ben ben à la là, limite, puis ça quelqu'un. risque d'être montré. Les forces anti-hommes, là, ça veut dire c'est vraiment à l'eau. Parce que ça risque même d'être montré comme, tu sais, les romantiques du 19e siècle, le romantisme, comme quelque chose d'idéaliste, un idéal transcendant. Puis, ben moi, j'ai juste une affaire à dire, c'est que si vous pensez que ça peut aider à sauver la planète de ne pas avoir d'enfants puis de vous suicider, ben là, vous jouez le jeu de des darwinistes sociaux qui vous considèrent comme des imbéciles, puis qui ont mis le plan pour qu'il y ait un tri, puis une sélection, puis qui veulent que vous vous suicidiez. Parce que le seul fait que vous pensiez ça, puis que vous trouviez que ça a de l'allure, ça montre que il y a de quoi qui. Puis on dirait que c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on a du monde qui ils vont se lancer. C'est un peu comme l'affaire des. En tout cas, ça me fait penser, moi, les hippies qui disaient faites l'amour, pas la guerre, gna gna gna. Puis finalement, c'était l'opposition la plus smooth qu'il y a jamais eu. Ils ont dérangé rien. Ils ont jamais servi. Je veux dire, c'est tout le monde. Il n'y a pas un politicien qui avait peur d'eux autres, là. Ben là, c'est ça. Ben, c'est, on peut te rétorquer, ben, il faisait partie de l'opposition contrôlée. Ben oui, c'est sûr. C'est certain. Moi, mettons là, que je veux avoir de l'opposition, j'aime autant que ce soit des jeunes idéalistes. Exactement, que tu peux infiltrer avec des agents. J'écoutais récemment un film sur Netflix, puis c'était question que pendant la guerre du Vietnam, il y avait des agents infiltrateurs du gouvernement qui allaient dans les manifestations des jeunes contre la guerre du Vietnam pour contrôler justement l'opposition. Toute la contre-culture. Tu sais, je veux dire, le monde qui était là-dedans, il était sincère, puis tout, mais toute la contre-culture, elle était pensée avant. Mais c'est Même ça. les beatniks des années 50, puis tout, ça a été, après ça, tu as eu la contre-culture des années 60, mais je veux dire, c'est tout, ça a été déclassé, ces affaires-là. Je veux dire, le monde sont supposés être au courant. C'est la CIA qui m'a rendu les LSD disponibles. Les profs là, qui faisaient la promotion du LSD là, en anthropologie ou en sciences sociales ou peu importe, là, pas en sciences sociales, il y a eu des profs de psychologie, il y en a eu d'autres, même, t'en as même qui voulaient soigner la schizophrénie avec ça. Ben ça, c'est les suites des expériences des années avant 50, puis, qui ont donné du LSD synthétisé, puis après le rendre dans le grand public, puis, tu sais, là, je veux dire, vous voyez pas que c'est par étapes, dans le sens que on commence par se servir du LSD dans des expériences, puis après ça, tout d'un coup, on s'arrange pour en faire la promotion, ça devient une contre-culture, une drogue qui était à la mode, puis on la garoche dans le grand public. Vous voyez pas la cause à effet? On dirait que c'est comme les techniques de guerre psychologique dans le temps qu'on a expérimenté sur des peuples, puis tout. Là, on la met à grande échelle, parce que par étapes. Exactement. Ben, c'est comme le développement de l'intelligence artificielle qui, un jour, peut-être manipulera l'être humain, puis l'être humain va être dominé par l'intelligence artificielle. J'ai jamais cru à ça. Parce que l'intelligence artificielle, c'est comme le gros masque du magicien d'Oz. Il est là pour faire croire que c'est ça le magicien d'Oz, puis que ce gros masque-là, il est autonome en tant que gros masque. Mais tu as tout le temps un humain en arrière. Tu vas tout le temps avoir des humains en arrière. Ben, Puis même le jour où ce qu'on va essayer de nous faire croire qu'on est dominé par l'intelligence artificielle, tu peux être sûr, 100% qu'il y a des humains en arrière. On est dominé par des humains. c'est-à-dire, j'écoutais récemment un documentaire, là, ça s'appelle en anglais Social Dilemma, ou Derrière vos écrans de fumée, c'est sur Netflix. Il expliquait que les gens qui ont créé des lignes de code pour, dans le fond, avoir l'attention des individus, là, que ce soit à travers Facebook, Google, les principales plateformes, il y a eu un objectif de rétention des gens. Ils ont créé des lignes de code, des algorithmes pour tout le temps que les gens, on leur ait fait des vidéos alléchantes pour les garder le plus longtemps possible devant leur écran, parce que c'est comme ça qu'ils vont être exposés à plus de publicité possible. Puis, à ce moment-là, ils vont pouvoir justement là, être rentables pour ces entreprises-là. Par contre, ce qu'il expliquait, c'est qu'ils sont les algorithmes sont tellement sophistiqués qu'ils ne savent même plus c'est quoi qui est derrière ça. C'est comme devenu tellement complexe au fil du temps qu'il y a pas une, il y a, en tout cas, ce qu'ils disent, là, c'est qu'ils n'ont pas une compréhension de tous les algorithmes et la logique derrière ça. Ça leur échappe. OK. Je crois pas, ça leur échappe, ben oui. C'est eux autres qui nous échappent, une gang d'échappés de l'Asie. En tout cas, tu sais, je veux dire, moi, là, qu'on me fasse pas à croire que, bon, hey, ça leur échappe. Comme si, là, ça, c'est devenu des forces autonomes, Exact. abstraites, qui évoluent dans leur monde, puis que, non, c'est de la merde, ça, je crée pas ça, là. Moi, je crée pas ça, c'est une façon, ça, de se décharger. Ça l'est le masque du magicien d'Oz. Je veux dire, ben, cette affaire-là, ça nous échappe. Moi, je crée pas ça, ça se peut pas, là. Il y a de quoi qui fonctionne pas dans cette façon-là de présenter ça, de montrer. C'est comme quand les physiocrates, ils nous disaient, le marché, il y a des forces naturelles qui peuvent le gérer, puis qui va s'équilibrer lui-même, que l'argent, les devises sont comme du sang qui circule dans un organisme, puis par des lois naturelles, ça va s'auto-réguler puis s'équilibrer. Ça en est de la bullshit puis de la marde. Essayer de nous faire croire que des affaires artificielles sont comme à l'image de la nature, puis que ça obéit aux mêmes lois, puis que les humains qui sont les créateurs de ça, puis qui ont justement la capacité d'accès au paradigme de comment ça fonctionne, puis tout, que ça leur échappe, hey, là, si c'est rendu que les algorithmes, puis l'économie, c'est des monstres de Frankenstein, ça veut dire que vous n'êtes pas des bons. Des bons programmateurs, Ah programmeurs ben, c'est le informatiques. docteur, là, c'est le docteur Frankenstein, pas la créature qui erre Mais en tout dans le cas, champ. l'idée, je la trouvais pas bête, c'est que c'était de dire qu'à un certain niveau, il y a des gens qui ont fasciné des machines, puis là, les machines sont en train de nous fasciner avec le développement d'algorithmes de plus en plus complexes, de plus en plus intrusifs dans nos vies. Moi, ça marche pas avec moi, je veux dire, les affaires qu'ils me proposent, Internet, là, les pubs que j'ai, puis tout, ça cadre jamais avec moi. Ils se trompent tout le temps sur moi, mais tout le temps. tout le temps. C'est tout. Ils sont même pas capables de comprendre. Je veux dire, c'est vraiment tout, là, toutes les pubs qu'on me propose, c'est tout, ça cadre pas avec moi. Même on dirait que les algorithmes, ils m'envoient des affaires que j'aime pas. Ben, moi, comme je si peux te donner un l'algorithme discours était différent. C'est-à-dire que souvent, quand que, mettons, j'écoute des vidéos, je donne un exemple, Jonas Collin, qui est un YouTuber que je suis souvent. Ben, aussitôt qu'un algorithme aussitôt qu'une vidéo est mise en ligne, ben, l'algorithme va faire en sorte qu'il va apparaître en haut de mon. Lorsque je vois sur Facebook, là, oui. dans les principales références. Bon, mais ça, c'est pas pareil, dans le sens que l'algorithme n'est pas défini d'une façon comme lié à, comment je pourrais dire ça, par un système de cybernétique. Il n'est pas allé précéder ce que. Il n'est pas allé précéder ce que tu veux. Parce que là, le but de l'algorithme, c'est ça, il est supposé deviner ce que tu veux, mais que tu ne le sais pas encore. Là, quand il sait, quand une chose, tu l'as déjà regardé. Oui, mais Moi, c'est je peux quand dire il qu'il. essaie de me proposer de quoi par mon profil de Oui. consommateur, ça se trompe à chaque fois. Ben, des fois, ça correspond. À un moment donné, il m'avait proposé un autre YouTuber, un peu comme Jonas Collin, là, qui va dénoncer des choses. Puis là, j'avais été le voir, puis là, j'avais écouté de ses vidéos. Oui, ben c'est sûr, c'est parce que c'est des mots-clés qui sont semblables. Moi, je te parle en tant que ton profil de consommateur, mais je parle pas au niveau de tes idées, mais au niveau de tes goûts. Ils sont pas rendus là encore, ils sont pas capables, on dirait. Moi, tout ce qu'ils me proposent, là, toutes les pubs, là, que ce soit là, le linge, la boisson, tout, c'est tout, tout le temps exactement ce que j'aime pas. À chaque fois, ils me proposent des affaires que. Tu sais, c'est comme. Là, chez moi, ils m'ont envoyé des annonces de whisky américain, j'en achèterai pas. Je suis le dernier au niveau d'un profil d'acheteur qui va acheter ça. Mais le robot, l'intelligence artificielle, il sait que je regarde des fois, je magasine, je vais sur le site des SAQ, je magasine pour du whisky. Mais la machine n'est pas assez intelligente pour comprendre que jamais je vais acheter du whisky américain. Elle n'est pas capable, elle est pas capable de comprendre de la personnalité rendue jusque-là, Mais de peut-être que le comprendre deep que. learning, l'apprentissage en profondeur qui se développe de plus en plus, va aller chercher des subtilités chez toi-même avec, par exemple, des statistiques liées, si par exemple tu fais des achats en ligne ou des commandes de certains produits. J'ai tellement de misère à trouver ce que je cherche. Tu sais, vraiment, là, parce que même les algorithmes de eBay puis d'Amazon, même mais quand j'écris le mot pour mot, ils ont de la misère à comprendre. Puis je suis obligé, là, des fois, là, c'est assez. J'ai tellement de la misère à. Il faut que des fois, je tape des mots-clés, des lignes de façon spécifique, là, super long phrase, voir spécifiquement ce que je cherche parce qu'ils comprennent pas. Puis même si je l'écris en anglais. Même si je fais mes recherches en anglais, ils ne sont pas capables. Moi, en tout cas, avec moi, ça ne marche pas. La musique qu'ils me proposent, ça ne m'intéresse pas. Les films qu'ils me proposent, ça ne m'intéresse pas. Les livres qu'ils me proposent, ça ne m'intéresse pas. Les YouTubers qu'ils me proposent, ça ne m'intéresse pas. À part quand c'est des affaires que j'ai déjà regardées et qu'ils le savent. Tout ce que les algorithmes m'envoient, ça ne m'intéresse pas. À tout, tout, tout, mais vraiment tout. C'est comme souvent, c'est exactement le contraire de ce que j'achèterais. Puis. C'est vraiment, c'est spécial, là, tellement je me dis, j'ai dit, en tout cas, je sais pas si vraiment ça, le profil de consommateur que supposément qui viennent à bout de prévoir la tendance, puis tout, je sais pas jusqu'à quel point ça marche, mais avec moi, ça marche absolument pas. Mais vraiment pas, il me propose tout le temps exactement de quoi que je veux rien savoir, mais quasiment tout le temps. Bien, ça doit marcher quand même avec un certain nombre de personnes parce que sans ça, il n'y aurait pas de millions qui seraient Ben oui. dépensés pour de la publicité en ligne par des gens qui font de l'annonce. Ben oui, mais comment je pourrais dire ça? C'est un peu comme, comme tu disais, c'est une histoire d'exception. Je pense que les algorithmes sont basés sur la majorité. Puis que c'est là que les gens très, très individués, ils vont être camouflés. Ils ne seront pas Donc, capables. autrement dit, tu es une anomalie systémique dans la matrice planétaire, mon cher. Ben, moi, je pense que les anomalies, ça fait partie de. En tout cas, Mais amis, c'est la c'est. loi concept, c'est la loi d'exception qui confirme la loi générale. Parce que vraiment, là, pendant. Même à un moment donné, je regardais de. Puis à chaque fois, la pub, c'était comme à chaque fois, ils voulaient me vendre du Jack Daniels. Puis je disais. J'ai dit, c'est toujours bien incroyable. C'est la seule marque que j'achèterai jamais. Ben, je la trouve trop chère pour la qualité. Tu sais, je veux dire, pour le même prix, tu peux avoir de quoi de meilleur. Ça vient d'Irlande. Pourquoi j'achèterais ça? Puis en plus, il y a quelque chose qui fait que, au niveau de ma mentalité, puis de mes appointances, puis de mon idéologie, jamais je vais acheter cette marque-là. C'est impossible. J'ai quelque chose d'idéologique qui fait que je veux pas. C'est impossible. Mais les algorithmes, ils peuvent pas aller jusqu'à ce point-là. Ils peuvent pas aller dans l'âme. Ils peuvent pas fouiller l'âme puis comprendre les sympathies, les antipathies des mémoires jusqu'à loin même dans l'âme. Ils Oh, pas sont pas encore capables. présentement, mais c'est une sophistication, puis t'évolues dans un environnement avec des objets connectés, puis il y a la capacité de traiter un haut volume d'informations que le big data. Bien, de plus en plus, il va avoir une capacité des algorithmes de décrypter l'individu dans ses déplacements physiques avec géolocalisation par rapport à tout le. C'est tout tes Ouais, pro. ça, c'est pas pareil. Ouais. Parce qu'on n'est même pas dans le décryptage, la géolocalisation, c'est plus la reconnaissance, tout simplement. Mais au niveau, là, de pouvoir prévoir l'être humain, oui, il y a des choses, Oui, ça mais tiens, marche, oui, regarde, je te c'est donne un possible. exemple. Si quelqu'un, par exemple, mettons, moi, ma mère vit à Québec, puis je vois souvent à Québec, ben, c'est possible que, vu qu'une fonction de géolocalisation liée à mon téléphone intelligent, qu'éventuellement, ben, le téléphone intelligent me propose des publicités en lien avec la ville de Québec, vu que je passe, du temps une fois de temps en temps à cet endroit-là. Ouais, mais l'algorithme, il va être adopté par quelqu'un de normal. Tandis que moi, bon, c'est là que je me dis, c'est tout simplement ça, parce que je suis pas normal. C'est pour ça que ça marche pas, leur histoire d'algorithme avec moi. C'est pour ça que j'ai jamais une seule pub qui m'a fait acheter quoi que ce soit sur Internet. Toutes les pubs que je vois, c'est des affaires qui ça m'intéresse pas. Puis toutes les affaires qui m'intéressent, j'y vois jamais. Il faut que je fasse des recherches super longtemps. J'ai bien de la misère. Puis toutes les affaires qui, comme à un moment donné, je faisais une recherche, je voulais en tout cas un produit alimentaire que je faisais des recherches pour l'avoir. Même au niveau des algorithmes de mes recherches, comme c'est des choses pour lesquelles il n'existe aucune publicité, ils ne peuvent pas m'en envoyer. Mais c'est pareil pour toutes. Ils ne peuvent pas tout prévoir. Ils ne Non, je suis peuvent pas d'accord tout avec toi. comprendre. Tandis qu'il y a des choses au-delà de ça qu'eux autres, ben, c'est le plan des plans. C'est comme s'il y a des petits plans dans un gros plan. Oui. Le Mais petit plan, il ne peut pas défaire le gros plan. Il y en a que. On vit tellement dans un monde d'inversion qu'on prend des moutons pour des bergers et des loups pour des moutons. Puis c'est comme. On regarde. Tu prends du monde comme nos ministres, notre ministre de la Santé. Non. Au fond, c'est d'un point de vue hiérarchique, c'est le top de. Mais pour moi, c'est comme le caniveau. C'est ce qu'il y a de plus bas. C'est comme, à un moment donné, juste le fait que, par exemple, là, qu'il y a certaines personnes, quand tu les interviews, ben, il n'y a pas beaucoup de vues. Ben, ça, à mes yeux, ça vient démontrer que c'est intéressant. Parce que moi, quand quelqu'un il fait des milliers de vues, puis il y a quelque chose, un peu comme Berger, il dit, je suis quelqu'un de mondialement connu, preuve que je suis un personnage de second ordre. Puis les gens qui nous gouvernent sont des gens profondément médiocres. Puis ils peuvent pas, s'il y a des choses qui leur échappent, puis ils peuvent pas. C'est pareil pour l'intelligence artificielle. Si l'intelligence naturelle des gens qui l'ont conçue est défaillante, imagine les artifices qu'ils engendrent. Oui, exactement. Ça va être tout simplement l'extrapolation de leur force qui va être amplifiée par des algorithmes. C'est comme, il y en a qui pensent que le socialisme d'un certain type, il ne peut pas marcher à l'échelle d'un petit pays, mais ils ont dans l'idée qu'ils sont même à l'échelle de la planète, là, ça va marcher. C'est tellement logique. Ce monde-là sont tellement. Tu sais, pense pas être. Tu sais, j'ai pas la prétention, moi, d'être assez brillant pour prendre des décisions pour les autres. Puis on a affaire à du monde, ils doivent se penser tellement. Mais C'est drôle, c'est là. ça, mais t'as des gens très orgueilleux qui se réfléchissent, puis ont la croyance de savoir pour les autres, en dépit d'eux-mêmes, c'est quoi qui est bon pour eux, puis d'imposer ça. Comme là, on parle de la vaccination. Là, présentement, le gouvernement ne dit pas que ça va être obligatoire, mais moi, la prédiction que je vous fais, puis j'espère me tromper, c'est que j'ai l'impression qu'ils vont vouloir la rendre obligatoire, la vaccination contre le coronavirus. Ils vont vouloir, mais d'après moi, ils réussiront pas à la rendre obligatoire. Tout simplement parce On que verra bien parce que les autres étapes, le port ils du mettent tellement masque. d'efforts à convaincre, à faire peur, que je me dis, est-ce que c'est parce que justement, il faut que c'est aussi bien que ce soit volontaire? De toute façon, moi, c'est bien clair, je veux dire, s'ils mettent ça obligatoire, ben, venez m'obliger. Mais ce sera jamais volontaire. C'est ça, mais le point que je voulais dire, c'est que. À l'origine, le port du masque, c'était volontaire, c'était pas obligatoire, puis on Oh, n'aurait j'étais. jamais vu. Moi, personnellement, j'aurais jamais cru que ça deviendrait obligatoire. Ça veut peut-être dire que je suis naïf. Ensuite, pour le ce qui est du Ben, je l'ai trace. pas vu, moi non plus. OK, bon. Ensuite, pour ce qui est du traçage numérique, à la base, un peu comme le masque, on présentait les inconvénients, puis, tu sais, bon, docteur Oudo, le masque dit, vous allez vous contaminer si vous mettez ça dans la face. Traçage numérique, mais là. Il y avait entre autres Gabriel Nadeau-Dubois qui a fait une belle vidéo qui présentait tous les inconvénients, puis le gouvernement, puis il y avait des discussions parlementaires. On n'ira pas de l'avant, puis l'effet de choc, on va de l'avant avec ça. Ensuite, le masque, pas le masque, mais le vaccin, j'ai l'impression que ça va être à peu près le même processus, mais le vaccin, ça va être la cerise sur le sundae pour moi dans différentes étapes qui ont mené vers ça, vers cette adoption-là. D'un coup, qu'ils peuvent pas le rendre obligatoire, mais qu'ils vont quand même s'arranger pour qu'il y ait un cloisonnement entre ceux qui l'ont et ceux qui l'ont pas. Au fond, on est en train de nous créer des castes Ben, c'est ça basées sur aussi, une par exemple. idéologie politique. Tout Oui. ce qui peut arriver, c'est que parce qu'on veut pas le prendre, on va être à part. Exactement. Si on te dit, toi, ben, tu pourras Fait que pas moi, voyager, aller en Europe parce que t'as pas c'est ton ça. passeport vaccinal. Oui, Ensuite. moi qui suis ça, moi qui n'ai jamais voyagé de ma vie puis que ça m'intéresse pas, ils vont m'interdire de voyager. C'est vraiment horrible, là, je veux dire. Je m'en fous, moi, tu sais, il n'y a rien qu'ils peuvent faire pour. À ce niveau-là, ça ne t'atteint pas. Par Pas du contre, tout. il peut y avoir d'autres niveaux d'atteinte en lien avec ça. Dans le sens que je te donne un exemple, c'est un exemple réel, puis c'est pas de la science-fiction. Quelqu'un qui aujourd'hui veut être physiothérapeute, j'avais discuté avec une fille, puis elle voulait faire ça, puis à l'Université Laval, dans les critères, bon, il faut avoir certaines notes, etc. Puis un des critères, il faut que la personne accepte de se faire vacciner par rapport à certaines choses. Fait que là, C'est comme les préposés. exactement. Les gens qui travaillent dans le domaine de la santé. Fait que là, ce que ça dit comme message, c'est que si tu veux travailler dans le domaine de la santé, le préalable, c'est pas juste les notes. C'est qu'il faut que toi, tu acceptes de te faire vacciner parce que sans ça, tu es exclu de la profession. Tu n'y as pas accès. Ben, quelque part, oui, c'est un peu comme faut que tu prononces tes voeux. Ça ressemble à ça. Puis, mais c'est comme il. Moi, j'ai pas envie de. Comment je pourrais dire ça? Il n'y a rien que je veux qu'ils peuvent m'enlever à cause de ça. Ou il n'y a rien que je veux pas qu'ils peuvent m'imposer avec ça. À part le vaccin lui-même. Puis même là, je suis même pas sûr de la nature de quoi il est question. Parce que c'est impossible de faire un vaccin aussi vite. C'est autre chose. Donc, de quoi il est vraiment question, je ne sais pas. Ben, Mais il reste c'est pas que. clair. Ça demeure un vaccin expérimental qu'on cherche à mettre sur le marché rapidement. Fait que moi, ça éveille mes soupçons. Ben là, je veux dire, en plusieurs décennies, ils sont pas capables de créer, ils n'ont jamais été capables de. Ça a pris plusieurs décennies, des fois, pour créer des vaccins efficaces, même pas à 40%. Ça se peut pas, là, ce qu'ils disent. Puis même là, un vaccin, la plupart des vaccins, comme pour la grippe saisonnière, sont efficaces autour de 40%. Ça veut dire, si tu fais pile ou face, tu as plus de chances de tomber sur ce que tu as collé que de prendre un vaccin. Que ce soit efficace. Là, Pfizer, en quelques mois, aurait fait un vaccin efficace à 95%. Ah oui, c'est ça. De toute façon, eux autres, on les connaît, là. Je veux dire, c'est des. En tout cas, ils ont leur historique, Pfizer. On a affaire à des compagnies, bon. Mais non, moi, le pire qu'ils pourraient faire, c'est quoi? Je veux dire. Ben, c'est-à-dire que la loi présentement au Québec, ils peuvent forcer quelqu'un à être vacciné. C'est une loi qui a été passée en 2001 en relation avec le. C'est. Ouais. Ben. Venez me forcer. Je vous garantis que je suis pas tout seul qui s'en sortira pas, peut-être. Moi, en tout cas, il n'y en est pas question. C'est comme forcément. Moi non Tu sais, plus, je veux dire. j'en veux pas de vaccin, tu sais. Par contre, moi, c'est sûr que j'ai l'impression qu'on va essayer de soit m'affamer ou de manipuler avec différents processus progressivement au fil du temps pour les gens qui vont être récalcitrants. Là, j'ai l'impression que. Là, mettons que des fonctionnaires nous affamment d'une façon. Bon, ben on mangera du fonctionnaire. Moi, ça peut être aller jusque-là dans le sens que il faut que la réponse soit ajustée. Il n'y a pas de mots pour décrire c'est quoi affamer quelqu'un. Moi, quelqu'un qui veut m'affamer, ça se peut que j'aie envie de le manger. Parce que c'est ajusté tellement c'est violent. Faire mourir quelqu'un d'inanition, c'est très violent. Dans le sens, c'est long, puis c'est à petit feu. Fait que, quelque part, c'est là que je me dis, il faut qu'il fasse attention parce que il pourrait avoir des réponses ajustées de la part de la population, puis pas juste de des individus. Mais pas au sens de considérer que c'est juste que la violence engendre la violence. Puis ce qu'ils font là, c'est de la violence psychologique, comme dans le Ring Noël, puis de. Oui, peut-être que, bon, si on se mettait même dans la logique, quand bien même ça se tiendrait, peut-être que ce serait justifié. Mais c'est de avec la façon que ça a été fait, il y a de la violence psychologique là-dedans. Moi, Ben oui, ben c'est comme faire bon. miroiter un enfant, si t'es tranquille, tu vas avoir ton cadeau à Noël, puis le processus est biaisé, puis le parent met fin au contrat moral avec l'enfant en disant, L'enfant, il n'a plus confiance, il ne croit plus. c'est ça. Puis tu vas avoir de moins en moins de contrôle dessus. Fait que c'est pas fort, là, ça marche pas. À moins que t'aies des techniques cachées C'est ça, que. mais derrière ça, ça Regarde. peut être d'amener les enfants plus rebelles à péter les plombs pour par la suite le parent ait plus de raisons justifiant d'autres mesures encore plus drastiques pour le contrôler. Ouais, c'est parce qu'il y a des limites à un moment donné. Un enfant, là, à force de vouloir le casser, à un moment donné, il fugue. Fait que là, on sait pas, là. Parce que le monde, c'est pas des enfants en ce sens-là. Juste à regarder, là, aux États-Unis, il y a des groupes armés aux États-Unis. Ils sont prêts à avoir une guerre civile, eux autres. Oh, il y a des milices militaires. Fait que là, Ouais. c'est sûr que tout dépendant de l'issue des élections par rapport à Biden puis Trump. C'est parce qu'il y a des divisions au sein de l'armée américaine elle-même. Là, on peut considérer qu'il y a des militaires qui ont des liens avec des milices. Fait que là, c'est incroyable comme un maton qui se déclencherait une guerre civile, là, ça va être le bordel. C'est les alliances tacites, puis toute la patente, ça pourrait être très compliqué. Parce que les milices aux États-Unis, c'est pas juste des fondrants religieux fondamentalistes. T'as du monde, t'as des militaires qui ont des liens avec ça. Puis t'as des gens que, je veux dire, c'est pas des amateurs, là, tous. Puis t'en as qui ont les bras, ils ont aussi des contacts. Puis même au Québec, là, les milices américaines, ça va jusque dans le Canada, puis jusqu'au Québec, ils ont des contacts. Puis il reste que, là, c'est pas comme si c'était rien qu'une gang de rednecks avec des carabines, là. Il y en a là-dedans qui ont des connaissances en chimie, puis que. Ouais, en plus, un cultivateur, les cultivateurs, ils ont accès à des produits. Fait que là, l'armée américaine, là, a bien de la misère à aller régler des problèmes ailleurs que chez elle. Mais là, c'est parce que régler des problèmes dans ta maison, des fois, c'est encore plus dur. Puis, s'ils se mettent à se plastiquer des bâtiments entre eux autres, puis à prendre le contrôle le nombre d'étoiles sous le drapeau américain va tout être en train de changer. Je serais bien curieux de voir ça. En tout cas, on va Mais. bien voir qu'est-ce qui va arriver parce que d'ici, c'est le 20 janvier, il y a un président qui a été assermenté à la Maison-Blanche. Donc, on verra bien si ça sera Joe Ben, Biden ou Trump. Si c'est Trump, lui, je pense pas qu'ils vont aller refaire l'investiture. Mais si Biden, il faut qu'il refasse une Oui, investiture. exactement. Ça va être probablement une continuité Mais de en là, c'est comme poste. l'Union européenne. Il y a combien de pays là, dans l'Union européenne? Je ne sais pas par cœur. C'est bizarre, le drapeau, il y a encore juste 13 étoiles dessus, mais ils sont plus que ça. Tu sais, c'est bizarre, c'est comme s'ils voulaient fitter avec ce qui est écrit dans l'Apocalypse. La femme qui avait la 13 étoiles autour de la tête. Puis... Tu Ah, ben, sais, il y a je veux des groupes dire. qui peuvent faire de l'autoprophétie en utilisant des symboles clés, c'est sûr. C'est ça. Parce que moi, j'ai l'impression que oui, on agite du monde qui ont certaines croyances. Oui, on agite certains fondamentalismes. Mais est-ce que c'est possible qu'on fait exprès? Qu'on Exact. joue avec des symboles? Qu'on sait que ça les écœure puis ça les titille. Exactement. Ben, c'est comme d'empêcher la fête de Noël au Québec. Ben, il y a certains, c'est Oui. sûr, gens fondamentalistes chrétiens vont dire, ben là, c'est l'œuvre de l'Antéchrist qui veulent empêcher les gens qui font partie de la communauté du Christ de se réunir. Un peu, c'est quelque part. Non, pas tard. C'est bien difficile de ne pas leur donner raison parce que quand tu regardes derrière la forme, la vibration de tout ça, ils ont peut-être un peu tort au niveau de la forme, mais ce qu'il y a en arrière, ça ressemble à ça. Exactement, c'est Vibratoire. très astral. Les forces anti-homme, anti-vie, tout ce qui est stabilisation structurelle de la vie, l'économie, la famille, la santé, le social, c'est une attaque sur toutes les ce qui est. Tout ce qui est justement ce qui est, la stabilité du milieu pour la construction des individus équilibrés. On veut enlever. Là, on va se ramasser avec des enfants qui n'auront pas d'appartenance à leur famille, ils n'auront pas d'appartenance à leur université ou à leur école, ils n'auront pas d'appartenance à leur municipalité, ils n'auront pas d'appartenance. Ils vont avoir une Non, ça va être appartenance. des citoyens du monde. Ben, c'est ça que j'allais dire. Ils vont avoir une appartenance à leurs réseaux sociaux puis à Internet qui est contrôlé par des globalistes puis des mondialistes. C'est ça. Et quelque part, ils vont être persuadés d'être ce qu'il y a de plus libre comme humain. Exactement. Tout en Puis ils étant vont plus pointer du contrôlés par doigt. les réseaux sociaux que les générations précédentes qui n'en avaient pas. Ben oui, ben il y avait des réseaux sociaux. Ça, Pas c'était numérique, pardon. l'Église, l'école et Oui, la c'est ça. famille. C'est ça, les réseaux sociaux. Les vrais réseaux sociaux, c'est la famille. C'est ça, les vrais réseaux sociaux. Comme une église, c'est un réseau social. Pas besoin de c'est pas l'affaire de dire la religion c'est bon ou c'est pas bon. Mais un réseau social, c'est ça. Ça veut dire, tu sais, les amis Facebook que de temps en temps on like une affaire puis qu'on rencontrera jamais, c'est pas ça un réseau social. Il y a de quoi là-dedans, là, qui est de profondément, ça fait partie du reste. Je vais devoir te laisser, il Oui, va falloir que... c'est bien correct. On va conclure l'entretien. Donc, par rapport à la grande dictature sanitaire, le grand reset des mondialistes qui s'opère, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter en conclusion? Ben moi, je trouve que c'est très semblable. C'est juste ils mettent à jour les... Mais j'ai tout le temps vu ça comme une dictature. Le Canada, là, d'un point de vue... Prenez, comment il s'appelait donc, le Britannique qui a caractérisé l'état de droit, là. Comment est-ce qu'il s'appelait, il militait pour le droit de vote des femmes, d'ailleurs. En tout cas, lui, il disait un état de droit, c'est basé sur la non-hiérarchisation des citoyennetés. Le Canada, il y a la loi sur les Indiens, entre autres, qui fait qu'il y a une hiérarchisation des citoyennetés au Canada. Donc, le Canada n'est pas un État de droit, selon la définition des gens qui ont défini ce qu'est un État de droit. Donc, c'est une dictature depuis le début. C'est une Ça n'a monarchie jamais été rien d'autre. constitutionnelle avec des lieutenants-gouverneurs. Oui, mais y a pas, on n'a pas tous le même statut. C'est Oui, ça c'est qui vrai. fait que c'est pas une démocratie au sens où on l'entend habituellement. Exact. Puis, c'est une colonie. Dans le sens que c'est la compagnie des Indes occidentales, dans le sens que On n'a pas changé vraiment depuis le statut que c'était des comptoirs de change de peau, là. C'est la traite de fourrure. Ouais. Puis, ça n'a jamais, d'un point de vue, on a tout fait pour que les gens, les citoyens, puis, il n'y a jamais cette vision d'ensemble-là pour se rendre compte qu'au fond, ils n'avaient aucun droit. Parce qu'au Canada, ta citoyenneté peut être retirée n'importe quand. On n'est pas dans un état de droit au sens là, des droits de l'homme, comme ça avait été. On est dans un état qui est lié, par exemple, à plus à un fonctionnement comme une grosse compagnie. Puis, l'être humain, en tant que citoyen, on n'a pas de valeur humaine réellement. C'est pas quelque chose qui est reconnu vraiment. Puis, même là, les mouvements qui viennent d'ailleurs, comme l'histoire de citoyens souverains, puis tout ça, moi, mes yeux, c'est pour noyer le poisson. Parce que les gens qui tombent là-dedans, ils se nient. Et au lieu de se libérer du système, ils réussissent à être en dehors, puis à être encore plus au dépourvu, puis à l'avoir contre eux, puis finalement, ils ont plus de marge, ils ont moins de marge qu'avant. Fait que là, l'affaire, c'est que, moi, on est dans une dictature sanitaire, mais c'est en état de joyeux. Parce que, à Maton, au Canada, il y a tout le temps eu des lobbies de ci, puis de ça, qui influencent justement. Comme pourquoi qu'il y avait des berlingots de lait dans les écoles quand j'étais petit, parce qu'il y avait l'UPA, puis c'est des histoires d'intérêt. C'est tout le temps lié à des choses comme ça. Fait, on était dans une dictature qui était déjà comme ça. Moi, je me souviens, ils ont vacciné pour. C'était le papillon humain, je sais pas trop, là. Je me souviens, il y avait une fille à l'école, elle était complètement hystérique, là. Ils l'ont vraiment vaccinée de force, là. Parce qu'elle a. En tout cas. Puis finalement, ça a tout à c'est juste là, c'est juste plus visible. Exactement. Fait que quand la dictature devient transparente, c'est parce que, quelque part, les gens qui l'orchestrent ont gagné ou sont en puissance. C'est un C'est petit ça. peu comme la personne qui déclare la guerre ouverte quand elle sait qu'elle l'a déjà gagnée. Fait que donc, c'est pas supposé être une surprise. C'est pas supposé être une surprise. Tout le comment, tu sais, je veux dire, regardez l'Australie. Pourquoi j'avais dit, il va falloir regarder l'Australie, la Nouvelle-Zélande, c'est pas par hasard. C'est dans les pays que les mesures les plus rigides en passant par rapport à la gestion de la Ben, crise. c'est parce qu'on dans le, c'est, on a le même statut qu'eux, au fond. C'est le même genre de technique, sauf qu'ils adaptent d'une population à l'autre. Là, les Canadiens français, ils ont un passé de catholique, puis tout, fait qu'eux autres, Noël, ça, c'est. On tasse ça pour le grand reset de la population. Ouais. Ben, je parle, c'est parce que nous autres, ça fait partie plus de notre identité, là. C'est Oui. plus. Tandis qu'aux États-Unis, là, c'était Thanksgiving. Puis est-ce qu'eux autres, ils ont des. Bon, ils aiment ça gracier des dindes, puis C'est ça, mais c'est une c'est atteinte puissant puritain. à l'identité collective pour que l'identité mondiale prenne le relais. Donc, autrement dit, on désolidarise les gens d'une collectivité ou d'une famille, pour reprendre les propos de tantôt, pour le solidariser davantage avec un agenda mondialiste ou collectif. L'individu, il va tout le temps être fasciné par ce qu'il transcende au sens de ce qu'on a appelé l'humanité. Mais le problème, c'est que la seule humanité réelle, c'est celle qui est manifeste dans la conscience d'un individu. Puis sa capacité d'empathie, de reconnaître autrui, puis l'intelligence chez l'autre aussi, parce que l'intelligence est universelle. Mais il reste que au niveau de l'incarnation dans le plan matériel, ça n'a pas le choix de. C'est de pas non plus tomber dans les pièges de se faire détruire en tant qu'individu pour des idéaux collectifs qui transcendent ça. Parce qu'il y a là le piège. Ouais. Puis là, quand que l'individualité est attaquée comme ça, la seule chose qui pourrait transcender ça, c'est de recréer un ciment, un vrai collectif pour faire face à ça. Puis par où ça va passer, je le sais pas. On en a un paquet là, qui conseille. Eux autres, ils veulent être des leaders. Comme M. Blais, puis d'autres. Ben, allez-y, allez, faites-moi, montrez-nous ça. Vous allez voir les leaders. Ben, hâte de voir ça. Mais Moi, à mes yeux, ça peut pas être, ça peut pas être hiérarchisé, ça peut pas être des structures hiérarchisées comme on a connu avant. Si, parce que c'est comme j'ai déjà dit, j'ai dit quand t'as une fausse dissidence qui est très visible, puis tout, c'est facile à contrôler. C'est sûr, c'est plus facile un paquet de, une constellation d'individus, mais qui seraient quand même concertés un peu. Mais ça serait au-delà de, du langage. De toute façon, on verra bien. Mais je pense que de pas tomber dans le même piège que beaucoup, souvent chez les peuples latins ou même si on regarde les Haïtiens, le défaut d'aimer les chefs, puis de vouloir à tout prix avoir un chef, puis de vouloir à tout prix être, de faire bien attention à ça, parce que les Québécois, c'est tout le temps de même qui se font pas aimer. Qui Oui, est un bien que les chef gens soient souverains charismatique. sur le plan individuel au lieu de chercher d'autres C'est chefs qui vont ça. en remplacer d'autres. Oui, que la communication puis la concertation se fassent sur un plan égalitaire d'individu à d'autres. Pas de palier hiérarchique à d'autres, puis pas de pas recréer des structures comme ça. D'avoir un peu comme. Un peu comme les triades chinoises, parce qu'à un moment donné, si il y a une tâche à accomplir, ben c'est celui qui est le plus habilité et le plus compétent ce soir-là qui va être le chef. Tout simplement. Puis un roulement basé comme ça sur la logique, puis sur l'appointement de tout le monde. Puis ça, c'est difficile à. C'est comme ça devient comme quelque chose qui est tout le temps en train de bouger, ça, c'est tout le temps en C'est transformation. fluide. C'est ça, parce que dès que l'être humain, pour se rassurer, puis il est aussi, s'il veut se défendre en groupe, plutôt, il va tout le temps vouloir créer des structures rigides. Tout le temps avoir des structures rigides, là, avec un logo, une charte, un ci, un ça. Moi, mon opinion personnelle, c'est que moi, dès que ça a ces apparences-là, c'est tout de la merde. Ça marchera pas. C'est pas, on n'est pas en train de, c'est pas une coop agricole, c'est pas un cercle des fermières, c'est pas. Parce que justement, il va falloir être aussi fallacieux quelque part que ces gens-là. Parce que c'est une guerre d'image, puis des fois, ben, il faut se camoufler, il faut changer de forme, faut. On n'est pas créatif au sens que. En tout cas, on est Oui. créatif psychologiquement, mais on n'est pas créatif créativement. J'arrive pas à définir ça autrement. On n'a pas assez de respect pour l'individualité pour former des collectifs forts encore. Non, C'est tout. exactement, parce qu'il n'y a pas assez d'initiés à la surface de la Terre qui ont accès à une conscience supramentale. Mais on va compléter là-dessus. Écoute, je te remercie pour cet entretien qui dure un peu plus de 3 heures. Et je rappelle aux gens qui auront apprécié l'écoute de l'enregistrement en particulier, bien, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière, que ce soit par PayPal et Interact, dont vous allez avoir les coordonnées en bas de l'enregistrement. Donc, écoute, Berthold, je te remercie d'avoir accordé du temps généreusement là, en cette soirée où s'est tenu cet entretien pour le mois de décembre. Bye bye. Bye.